On va commencer par prier ce matin. Notre bon Père du ciel, c'est toi qui nous as fait naître. C'est toi qui nous as donné la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Et Seigneur, tu nous l'as donné avec un but bien précis. C'est qu'on puisse te voir, qu'on puisse te comprendre, qu'on puisse te connaître et qu'on puisse te servir. Donc Seigneur, peux-tu nous conduire à travers ce temps ensemble, en méditant ta parole, cette parole qui est une lumière pour nous, ta parole qui est une lumière sur le sentier de tes enfants, afin qu'on puisse voir ce que les hommes disent de toi, ce que nos cœurs peuvent penser de toi. Il faut toujours comparer avec ce que ta parole nous dit de toi. Donc guide-nous, afin qu'on puisse te glorifier comme tu le mérites. Amen. Amen. Donc, on commence le texte comme tel. Il ne faut pas oublier, si vous prenez des notes, c'est bien sûr de prendre des notes d'introduction, je vous encourage à les relire de temps en temps pour garder en tête le contexte dans lequel c'est fait. Si vous voulez, prenez des notes, mais si vous voulez comparer avec d'autres introductions de d'autres personnes, là, vous avez eu la mienne, mon introduction, mais vous pouvez... Le jour, j'étais avec Raphaël, puis Raphaël, dans son livre, il y a 4 pages d'introduction à l'Épître aux Thessaloniciens. J'ai dit, il est là. Donc, tu peux, David, certaines Bibles qui se vendent avec une introduction avant l'Épître. Ça va avoir des 3-4 pages. Des fois, c'est juste une petite demi-page, ça dépend de la Bible que vous avez. Et si vous allez sur Google, vous marquez introduction à l'Épître de Thessalonique, puis ils vont vous donner à peu près 650 000 introductions. Ils vont vous donner toutes sortes de choses qui peuvent vous aider à qui, quand, comment, pourquoi, les années que ça a été fait et tout ça. Donc, c'est intéressant de garder en tête le contexte. Ce matin, j'écoutais un pasteur qui parlait sur Thessaloniciens, chapitre 3. 4, puis il voulait donner du retour du Seigneur, il parlait du retour du Seigneur, c'est la dernière trompette, sur des nuées, Jésus va venir, il va nous prendre, il va ressusciter les gens, nous qui sommes vivants, nous allons rester dans la montagne avec lui. Mais il a donné des signes quand c'était pour arriver. Mais le but, c'est pas de donner des signes. Le texte dit « Encouragez-vous ou consolez-vous avec ces paroles. » Je n'ai pas eu l'impression qu'il avait besoin de consolation, lui. Donc, ça change la donne. Je ne lis pas pour être consolé, je lis pour savoir des signes quand Jésus va revenir. Ça fait une impression différente, parce qu'on oublie tout d'un coup le contexte. Donc, on a une idée, puis on veut parler de ça, on en parle, mais on oublie que... Je dois lire, même qu'on arrive là, je dois le lire afin d'être consolé. Mais si je ne suis pas triste, je fais quoi avec là, avec l'information? Si je ne suis pas triste. Donc, ceux qui l'ont reçu, eux autres ont besoin d'être consolés. Donc, il faut que je comprenne pourquoi ils ont besoin d'être consolés, comment ils vont être consolés par ce texte-là, et est-ce que je peux l'appliquer pour moi dans ma vie, afin d'être consolé aussi. Donc, si vous lisez de temps en temps, bien, ou si vous avez du temps à lire, un petit peu, il y a des livres d'introduction, ça, j'en avais des dizaines dans le temps que j'étudiais à Sainte-Bec, des livres d'introduction, et ça va vous garder dans votre tête, c'est qu'est-ce qu'il est en train de parler, pourquoi il parle, à qui il parle. Puis il y a une chose que j'ai remarquée cette fois-ci, dans l'Épître aux Thessaloniciens, je vous ai mentionné la semaine passée, c'est à quel point Paul s'identifie comme, non pas l'apôtre des païens, comme il fait dans certaines épîtres, mais il s'identifie comme un compagnon de service avec eux autres, qui souffre avec eux autres. Donc, celui qui écrit est dans la souffrance à cause de la foi, et ceux qui reçoivent l'épître sont dans la souffrance à cause de la foi aussi. Donc, nous, il faut essayer de le lire, oublier des fois un petit peu notre position personnelle là, et de dire, ces gens-là qui reçoivent, les autres sont en train de souffrir. Donc, il faut que j'essaie de le comprendre dans cette optique-là. Et ensuite, ça, l'appliquer à ce que moi je vis. Mais je ne dois pas essayer de l'appliquer tout de suite à moi sans l'appliquer à ceux qui l'ont reçu, premièrement. Puis on dit tout le temps, quand on comprend bien le texte, dans son contexte original, notre application est bonne pour tout le monde sur la planète. Notre compréhension, je veux dire, elle est bonne pour tout le monde. Si j'ai bien compris, c'est bon pour tout le monde. C'est donné à tout le monde sur la planète, c'est donné à toute l'Église. Dans mon application, ça peut être un peu différent, mais la vérité est la même pour tout le monde. On n'a pas une Bible des Québécois en 2023. On a une Bible qui s'adresse à tout le monde, de toutes les espèces, de toutes les races, de toutes les couleurs, de tous les temps. C'est la même Bible. Mais là, à ce moment-là, il faudrait garder, si on parle d'ici, Thessaloniciens, comme tu parlais tantôt, là, les chapitres, il faut le garder dans le contexte que c'est pour la tristesse, pour le soulagement de la tristesse, pour aider à garder bon, à travers la tristesse. Oui, c'est donc à travers la tristesse qui est causée par les tribulations. Donc, c'est pour ça que le retour du Seigneur, le but de l'Épître, c'est d'attendre le retour du Seigneur avec persévérance à travers les tribulations, à travers la tristesse qui est causée par les tribulations. Donc, comment je vais continuer à attendre le retour du Seigneur à travers les persécutions que j'ai? Et je me demandais cette semaine si j'avais une bonne tête dans ma tête, si j'avais une bonne compréhension de voir combien de gens au Québec, depuis 1950, l'Église a commencé au Québec. Combien de gens ont fait profession de foi dans les églises, qui sont étudiés dans les églises, qui ont été baptisés? Comment est-ce qu'il en reste de ces gens-là aujourd'hui? Quel est le pourcentage qui reste finalement? On en connaît tous qui ont parti, qui ont abandonné, qui ont renié la foi. Certains ont juste abandonné l'église, mais ça veut-tu dire la même chose qu'abandonner la foi, peu importe pour ce matin, mais pour cet après-midi. Mais le but, c'est de voir, beaucoup ont abandonné la foi depuis 75 ans que l'Église existe au Québec, à peu près. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font profession de foi et qui vont abandonner pour différentes raisons. Tu sais, on dit tout le temps, c'est pas celui qui commence la course, c'est celui qui la termine, qui est gagnant. Si tu la termines pas, tu seras jamais gagnant, c'est sûr. Ça. Et donc, on va voir que ce que je crois, ce que je crois à l'intérieur de moi, en tant qu'évangile, va influencer ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans n'importe quel sujet, ce n'est pas vrai juste pour la Bible, ça. N'importe quel sujet de votre vie, ce que vous croyez va vous influencer. Dans votre... Si vous écoutez une conférence sur la nourriture, puis vous l'écoutez le gars, puis c'est bon, c'est vrai, c'est correct, il vous convainc que c'est bon. Puisque c'est vrai ce qu'il a dit, et vous allez aller chez vous, vous allez commencer à changer votre alimentation. Vous voyez ça tout seul? Dépendamment de votre personnalité, ça va être différent. Personnalité change tout d'un coup sec. D'autres personnalités, ça va lui prendre un an à changer les affaires tranquillement. D'autres vont embarquer. Et finalement, la foi, c'est comme ça. Quand je crois quelque chose, ça l'influence ma vie. Je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand les gens ont des difficultés, qu'ils passent à travers des temps difficiles, tout ce qu'il fait, c'est que, à quoi j'avais cru? Il ramène les croyants à retourner en arrière et dire, vous avez cru à quoi, là? Ça devrait vous influencer aujourd'hui dans vos décisions. Là. Donc, Paul devient un peu critique quand la foi est... La vie est discordante. C'est là que lui, il commence à grincer des dents et à parler. Parce qu'il dit, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous dites. Donc, il faut se souvenir que les destinataires et l'auteur sont dans les tribulations. L'Église est troublée à cause ou a été ébranlée à cause de ça. Parce que tu peux le vivre sans être ébranlé. Et on va voir que l'Église est ébranlée par le sujet du retour du Seigneur. C'est le retour du Seigneur qui cause des difficultés dans les tribulations. Donc, on va voir pourquoi ces hommes-là et ces femmes-là, le retour du Seigneur devient pour eux autres même une occasion de chute, peut-être une occasion d'abandonner la foi, parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de certaines choses. Donc, ça, on va le voir. Donc, c'est une église qui est comme ça, qui vit ça, c'est une jeune église qui est en train d'apprendre à faire des choses, apprendre à connaître le Dieu, l'Évangile et le culte. Donc aujourd'hui, on va commencer au verset 2. Et l'apôtre Paul, il va par série de trois. Il va faire premièrement une série de trois dans l'action de grâce. Je rends grâce à mon Dieu trois choses. Puis après ça, il va dire, je sais que vous êtes des élus, trois choses. Donc il va faire trois affaires à chaque fois. Il a appris à prêcher à Saint-Bec, il y a toujours trois points. Donc c'est dans le sens-là. Mais on va voir comment c'est un apôtre qui rend grâce. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Je n'avais pas saisi autant les dernières fois que je l'ai fait. La lettre est écrite seulement après le retour de Timothée. Avant que Timothée arrive avec des nouvelles, Paul est énervé un peu. Il est inquiet. Il est ébranlé lui-même par rapport aux Thessaloniciens. Il se ronge les ongles, on pourrait dire, en québécois. Donc, Timothée, finalement, il est tellement inquiet pour l'Église, il envoie Timothée, on va voir ça au chapitre 2 puis 3, il envoie Timothée. Timothée revient avec les nouvelles, et là, il écrit l'Épître aux Thessaloniciens. Il n'en a pas écrit avant de savoir les nouvelles. Parce qu'avant de savoir les nouvelles, ils ne savent même pas s'ils sont encore dans la foi à cause des tribulations. Et quand les nouvelles sont venues, là, avec les nouvelles que Timothée amène, il dit, là, je rends grâce à Dieu. Là, il commence à parler. Mais avant, il n'était pas sûr de ce qui se passait dans la vie des Thessaloniciens. Dans les moyens d'aujourd'hui de la communication. Hein? Parce que des fois, on n'imagine pas les distances qu'il y a. Comme quand il part de Troas puis qu'il s'en va à Philippe, il y a 1200 kilomètres à pied. Tu dis, bon, ça prend quelques semaines pour faire le voyage, peut-être un mois pour faire le voyage. Et il y avait le temps de jaser, s'en allait, là, de parler, puis il se couchait plusieurs fois, puis il mangeait. Puis, donc, tu ne vas pas faire un aller-retour à tous les jours ou à toutes les semaines. Là. Donc, quand tu étais parti, tu n'avais plus de nouvelles. C'était difficile, parce qu'on voit que Paul, je le vois dans les Actes des Apôtres, de Thessalonique, il s'en va à Bérée, de Bérée, il va aller à Éphèse. À Éphèse, on est rendu encore plus loin, en kilomètres. Donc, il ne peut pas partir d'Éphèse ou de Corinthe, s'en aller tout d'un coup à Thessalonique, ça ne se fait pas. Donc, il a envoyé Timothée. Donc, Timothée va partir, le temps qu'il va partir, qu'il va y aller, et qu'il va rester là-bas un peu de temps, et il revient un autre 1200 kilomètres, mettons. Il s'est passé plusieurs mois. Mais pendant tout ce temps-là, Paul il vit des choses, mais la lettre, elle est écrite en fonction des nouvelles qu'il a reçues. Il va nous en parler au chapitre 2, pourquoi il est inquiet. Mais ici, dans l'introduction, verset 2 et le verset 3, il va rendre grâce pour trois choses. Donc, Céline, pourrais-tu les lire? Deux versets. Et trois versets. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Merci. Donc, on a trois choses ici pour lesquelles il rend grâce. Je suis toujours un petit peu impressionné par le fait que tu rends grâce à quelqu'un. Puis en même temps, tu dis à ce même à quelqu'un, toi, je rends grâce pour vous, les Thessaloniciens, à Dieu, mais il dit aux Thessaloniciens quoi faire. Ben, c'est-tu Dieu qui l'a fait ou c'est les Thessaloniciens qui doivent le faire? Hein? Vous voyez venir, là, hein? Comment je peux rendre grâce à Dieu quand Gisèle, veux-tu mettre la table? Et tu mets la table. Je vais rendre grâce à Dieu parce que tu as mis la table. C'est toi qui as mis la table? Pourquoi je rends grâce à Dieu? C'est bizarre, hein? C'est un peu ça qu'il dit, qu'il fait ici, là. Il va leur dire de faire des choses, puis il va leur dire qu'ils ont fait des choses, mais lui, il rend grâce à Dieu. Donc, là, on voit la chimie qu'il y a entre l'homme et Dieu, la chimie qu'il y a entre ce que l'homme va faire, ce que l'homme doit faire, et ce que Dieu fait à travers tout ça. Comment Dieu, lui, travaille dans le cœur des hommes et des femmes, des chrétiens, pour que, finalement, ça le glorifie. Parce que je peux bien mettre la table, mais je vais-tu mettre la table pour que ça glorifie Dieu? C'est une autre histoire. Et Dieu va travailler dans le cœur des croyants, avec les croyants. Ils font équipe. L'apôtre Paul le dit d'une façon assez simple à comprendre. Il dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Ça veut dire, toutes les deux travaillent. Donc, Dieu travaille et les croyants travaillent. Et la tendance qu'on a dans l'Église, à travers le temps, à travers l'histoire, c'est qu'on va dans un extrême ou dans l'autre. On va dans un extrême que c'est Dieu qui fait tout, ou on va dans l'extrême que tous les hommes font tout. Donc, il faut garder le milieu. Hein, c'est-à-dire, l'homme a sa responsabilité, Dieu a sa responsabilité, les deux travaillent, les deux sont en fonction. Donc, il rend continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Donc, encore là, je le répète, c'est après qu'il ait reçu les nouvelles. OK? Et il va, dans la deuxième épître, il va quasiment rappeler ça mot pour mot. Il va dire, je rends continuellement grâce à Dieu, puis il va répéter les mêmes trois choses ici, mais en disant, parce que vous avez fait du progrès dans ces trois choses-là. Ces trois choses-là qu'il va parler ici, là, ça va revenir trois à quatre fois dans les deux épîtres. Ce qu'on appelle la foi, l'amour et l'espérance. On le voit ailleurs, hein, on le voit dans l'épître aux Corinthiens, l'amour, la foi, l'amour et l'espérance. Il dit, l'amour demeure. Mais ici, il n'y a pas de question de savoir lequel qui est la meilleure. Les trois. Ils ont les trois. Donc, il rend grâce à Dieu parce qu'il sait que Dieu intervient. Il sait que Dieu agit dans le cœur des croyants. Il sait que Dieu fait comprendre les croyants. Il sait que Dieu intervient par le Saint-Esprit dans les croyants. Il sait ces choses-là. Donc, il rend grâce à Dieu parce que les croyants peuvent être actifs sans faire l'œuvre de Dieu. Ils peuvent être actifs sans glorifier Dieu. Il y a des églises qui fonctionnent depuis des décennies, peut-être des siècles, qui sont complètement terminées, ils ne fonctionnent plus, ils vont plus de travail, l'Évangile qui prêche. Mais ils continuent à fonctionner. Le fonctionnement, ça y est encore, puis ça fonctionne, puis ils ont juste changé les choses, ils continuent à fonctionner, mais ils ne font plus la gloire de Dieu. Et c'est ça que Jésus a dit à plusieurs reprises au peuple d'Israël, vous faites tout le fonctionnement, tout va bien, mais votre cœur n'est pas là. Donc, ils n'aimaient pas. Donc, il va dire le contraire. Une fois, il va dire, vous avez abandonné complètement le bateau, là. Le temple, les portes sont fermées, vous ne faites plus de sacrifices, vous ne faites plus rien. Une fois, c'est l'autre bord. Ça va dans l'autre sens. Le peuple d'Israël, il était dit, écoute, le peuple d'Israël, le temple était fermé. Fait qu'il m'a dit, qu'est-ce que le peuple faisait? Le temple était fermé. C'est une année, je pense que c'est Josué, qui est le roi Josué, qui retrouve les rouleaux de la loi à peine de poussière. Waouh! Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu, là. Là, Josué, il poussait tout ça, puis il commence à lire ça, puis il rouvre les portes du temple, remet en fonction les prêtres pour qu'on puisse glorifier Dieu. Donc, un peuple qui se dit de Dieu, tout d'un coup, ne fait plus ce que Dieu a dit. Bon, c'est intéressant. On voyage dans les deux extrêmes, absolument, dans l'histoire. Donc, il rend grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Donc, Paul est un homme qui priait pour les Thessaloniciens. On se demande des fois combien de temps il pouvait passer en prière, ce gars-là, mais c'est peut-être dans ses 1200 kilomètres qu'il priait en s'en allant en marchant, il y avait du temps, parce qu'il prie quasiment toutes les églises qu'il connaît, toutes les églises à qui il parle, il prie pour eux autres, puis il prie pour Timothée, puis je prie continuellement jour et nuit pour toi. Puis... Mais pourtant, il va bien manger et dormir, comme tout le monde. Mais on parle d'une continuité, on ne parle pas sans arrêt, mais continuellement. Donc, ça peut être une fois par jour, une fois par deux jours. Je continue à prier pour vous. Ce n'est pas 24 heures sur 24, j'étais à genoux, à côté, à quelque part, je suis en train de prier. C'est pour ça qu'il est en train de parler. Donc, si je me souviens de vous, c'est comme on peut faire, nous autres, des fois, on est assis, on peut penser à nos enfants, on peut penser à nos petits-enfants, on peut penser à un voisin. On peut le faire. Mais pourquoi on ne pourrait pas penser aussi à l'Église, puis penser à des frères, puis là, on prie pour eux autres. Surtout comme pour Paul, s'il était un peu inquiet pour l'Église, bien, il devait encore plus. Hein? On pense plus à nos enfants quand ça ne fonctionne pas leurs affaires. Là, on pense un peu plus. C'est un peu pareil ici. Donc, il sait que sans les prières, Si tu ne pries pas, c'est assez rare que tu vas rendre grâce à Dieu. Ça va ensemble en général. Si tu pries 5 minutes, tu vas peut-être rendre grâce 5 minutes. C'est à peu près ça qu'on fait d'habitude. Il y a un équivalent. Là. Mais il dit, je rends grâce à Dieu parce, pourquoi? Parce que je prie d'habitude pour vous autres. Et quand je vois des réponses, mais je rends grâce à Dieu. Quand je vois des choses, je rends grâce à Dieu. Et là, le retour de Timothée l'a poussé à rendre grâce à Dieu pour trois choses. Premièrement, il dit, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Ça aurait été autrement s'il avait dit, je rends grâce à Dieu pour votre foi, votre amour et votre espérance. Ça aurait été-tu pareil? Non, ça n'aurait pas été pareil. Il ajoute quelque chose à ces trois mots-là. Et ça va être important qu'on le voit. Parce qu'à chaque fois qu'il va parler de ces trois vertus-là, il va toujours les mettre accompagnées d'autre chose. Ici, il dit, je ne rends pas juste grâce pour votre foi, je rends grâce pour l'œuvre de votre foi. Donc, voyez-vous, la foi et l'œuvre, ça va de pair, ça va ensemble. Je ne fais pas juste dire, « Ah, je te remercie de tes œuvres sauvées. Je te remercie de tes œuvres sauvées. Je te remercie de tes œuvres sauvées. » Non, il dit, je te prie que je te remercie, je te rends grâce que... On se rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi. De quelle œuvre parle-t-il? Comment la foi des Thessaloniciens s'est-elle manifestée? C'est le mot œuvre, c'est ce que ça veut dire dans ma tête. L'œuvre de la foi, c'est la foi s'est manifestée de façon quelconque chez les Thessaloniciens, qu'on va voir au courant des deux lettres. Ici, il ne définit pas totalement c'est quoi l'œuvre. Mais il dit, je rends grâce que votre foi n'est pas juste dans votre tête, elle est aussi en œuvre. Et on va voir de quelle œuvre il parle, comment la foi dans le croyant se manifeste-t-elle. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, aussitôt que je dis que je crois en quelque chose, ça va se manifester dans ma vie. Ça ne peut pas faire autrement. C'est un principe de base dans tous les domaines. Si je crois que l'exercice, c'est bon pour la santé, je vais en avoir. Si je crois que si telle affaire, telle machine est bonne pour faire ça, je vais le faire. Si on me dit que le médicament, là, c'est bon pour moi, ça, je prends le médicament. J'agis en conséquence de la foi que j'ai. C'est pour ça que Jacques va dire, si tu n'as pas d'œuvre qui accompagne ta foi est juste morte. Juste morte, elle n'existe pas. C'est une fausse foi. C'est une foi qui n'est pas de Dieu. Et donc, c'est une... Je disais tout à l'heure à Michel, j'écoutais un chien ce matin. Et c'est un chien qui est beau, puis il a une belle âme, facile à apprendre. Puis il chante Dieu seul suffit. Mais il y a une grande banderole dans la chapelle, louange à Marie, mère des Lumières. Mais ils sont en train de chanter Dieu seul suffit, Dieu seul suffit, Dieu ne change pas. Il dit, votre foi n'est pas correcte, là. Vous dites que Dieu seul suffit, puis Marie est là dans le décor, puis ça c'est elle qui a une grosse banderole pour Jésus, là. Si ta foi, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta foi. Donc, je me demandais ce matin en écoutant le cantique, y a-t-il des aberrations de même dans ma vie? Y a-t-il des choses que je déclare, puis que dans le fond d'histoire, c'est pas là, tu sais, ça ne marche pas. Mais, que Dieu dédie mes plans, ouais, réveille. Non, ce que tu dis et ce que tu fais, il y a deux choses différentes. Donc, il dit l'œuvre de votre foi. On va en parler, si on a le temps, on va en parler un peu après-midi. C'est quoi cette œuvre-là? Comment ça va se manifester, cette œuvre dans la vie des Thessaloniciens? Mais Paul, parce que l'œuvre, vous savez, qu'est-ce qu'il y a de différence si j'avais dit je me rappelle votre foi, puis je me rappelle l'œuvre de votre foi? Ce sera quoi la différence entre les deux? C'est quoi ce qui différencie? Un est visible, l'autre ne l'est pas. Comment je peux, si je dis que je rends grâce à Dieu pour l'œuvre de votre foi, c'est que j'ai vu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. J'ai vu, j'ai entendu quelque chose. La foi, elle est souvent intellectuelle. C'est des choses que je crois, des choses que j'ai entendues, et je les crois dans ma tête, dans mon cœur. Mais ça, il faut quasiment omniprésent pour savoir ce qui se passe dans le cœur des gens. Mais là, je la vois, elle. Là, je la vois. Je peux dire des choses. Donc, c'est l'œuvre, elle est visible. Et c'est pour ça que Paul va rendre grâce à ce qu'il voit. On va se poser la question, et tout à l'heure, il va nous dire, un peu plus loin dans le livre, de faire progresser cette foi-là. Puis plus loin, dans le deuxième livre, il va dire, « Rends grâce à Dieu que votre foi a fait de grands progrès. » Donc, ça veut dire qu'il a vu quoi qui s'est passé à travers les étapes pour qu'il puisse dire une telle affaire. Vous avez professé la foi, j'ai vu l'œuvre de votre foi et je vois votre foi grandir. Donc, c'est un cheminement de croyant, un cheminement normal de la vie chrétienne. Donc, c'est la deuxième chose qu'il va dire, il parle « le travail de votre amour ». Y a-t-il d'autres traductions pour ce petit terme-là? Le travail de votre amour. Sacrifice de votre charité. Amour actif. Amour actif, action, hein, l'amour en action. Sacrifice de votre charité. Sacrifice, donc, il y a un autre petit mot-là. Amour qui se met en peine. L'amour qui se met en peine. J'ai le travail de votre charité. Oui, c'est ça, c'est le mot amour, qui est charité, c'est pareil, là, c'est le mot agapé, probablement, qui est là, ou philia, c'est ça, je pourrais vraiment regarder. Mais le mot travail, là, c'est des actions que tu fais avec peine. C'est pas des actions ordinaires. C'est des actions qui se font dans un contexte de peine, un contexte de souffrance, un contexte de difficulté. J'ai vu votre amour dans le contexte de votre difficulté. J'ai vu ça. Comment vous aimez les uns les autres. J'ai vu ça. J'ai entendu et j'ai vu ça. Donc, c'est pas j'aime au sens juste d'un air. C'est que j'ai vu un travail à travers la souffrance. Parce que ça aurait pu être un travail dans un contexte de non-souffrance. Mais il ajoute sacrifice, il ajoute peine. Donc, il ajoute une donnée que, au milieu des souffrances, au milieu des tribulations que vous vivez, j'ai vu que vous vous aimiez à travers ça. Et la même chose, il va dire, cette même chose-là, dans le chapitre 4, il va dire, augmentez cet amour-là, ce travail de l'amour, puis il va dire au chapitre, dans le deuxième épître, vous avez augmenté aussi en amour. Donc, il va dire, puis vous allez voir que les trois, l'amour, la foi, l'amour et l'espérance, c'est indissociable. Tu ne peux pas avoir une puis pas avoir les deux autres. Tu ne peux pas avoir deux puis t'en manques une. Tu les as les trois ou tu ne les as pas pantoute. Les trois vont ensemble tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Si j'ai une foi qui se manifeste, je vais avoir un amour aussi qui va se manifester et je vais avoir une espérance aussi qui va se manifester. Donc, il faut qu'on voit ça. Donc, quel est donc ce travail qu'on fait dans la peine, dans la souffrance, dans le sacrifice? Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, les Thessaloniciens, pour ce que Paul leur dit ça? Je rends grâce à Dieu de votre travail d'amour. Je pourrais dire ça. Un amour qui travaille, un amour qui se manifeste, un amour qui est actif, un amour qui n'a pas peur de la souffrance, un amour qui n'a pas peur de la peine. C'est facile à comprendre dans un contexte de peine, un contexte de souffrance, un contexte de difficulté. Parce que si tu vas aider quelqu'un qui est en tribulation à cause de la foi, c'est dangereux pour toi. Puis l'auteur des Épîtres aux Hébreux va en parler, il dit, vous n'avez jamais eu honte d'aller nous visiter en prison, nous les prisonniers chrétiens. Mais si tu y vas, ils vont savoir que tu es un chrétien qui aime les chrétiens. Donc, il y a un risque, il y a un sacrifice, il y a une espèce de peine qui va se faire là à travers. C'est pas dans la facilité. C'est pas qu'on va s'asseoir ensemble et manger. Ça, c'est le fun, c'est correct, c'est agréable. Mais c'est pas dans ce contexte-là qu'on appelle l'amour ici, pas dans ta solitude. Dans ce cas-ci, c'est si tu prends un risque. Tu vas en souffrir peut-être que si tu vas aimer les frères et sœurs. Donc, ça demande un peu plus, n'est-ce pas? C'est pas comme... viens souper à la maison. C'est plus, un petit peu plus. Et c'est facile à comprendre. Parce que aussitôt que l'Église était en conflit, était en tribulation ou en persécution, le fait de t'affilier avec cette Église-là, hein, quand on voulait tirer des roches à Jésus, on voulait en attirer aux apôtres aussi. Là. qui suivait en arrière. Tu t'affilies à quelqu'un, tu vas probablement trouver des problèmes qui vont aller avec. Et ça, c'est comme le bloc de l'amour. Ça, c'est l'amour. Mais quand on parle de la foi, là, c'est d'autres choses. Oui, oui. Mais la foi, elle a aussi ses œuvres. Oui, oui. Mais elle va aussi faire partie de l'amour. Une des œuvres de la foi, c'est qu'elle aime ceux qui ont la même foi. Donc, ici, il ne parle pas de l'amour pour tous les êtres humains. C'est pas mal, c'est bien même, c'est commandé aussi d'aimer les frères, les gens dehors, même si ce ne sont pas des croyants. Mais ici, on va parler de surtout de qu'est-ce qu'ils ont fait pour les frères, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les sœurs dans la foi. Ça, c'est le travail de l'amour. Ensuite, ça, il va dire la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Pourquoi qu'il ajoute le mot fermeté? Parce qu'il aurait pu dire, on rend grâce pour votre espérance. L'espérance de quoi? Ben, l'espérance de retour du Seigneur. Ça va être ça qui va. L'espérance, c'est. Puis il va dire un peu plus loin, il va parler de l'espérance du salut. Il va parler du salut dans cette épître-là, au futur. Comme si on ne l'a pas aujourd'hui tout à fait complète, au moins. Il dit, l'espérance de votre salut. Tu dis, ben, je suis déjà sauvé, moi. Oublie ça, c'était ça, c'est pas pour moi. Mais pourtant, il va parler de l'espérance du salut. Donc, il va parler de. Il va dire de cette fermeté de votre espérance. Et c'est dans notre texte de Thessaloniciens, on va voir qu'ils ont été ébranlés à un moment donné sur la fermeté du retour du Seigneur. Ils se sont posé des questions si le Seigneur Jésus va vraiment revenir. Ce que Paul nous a dit est-il vraiment vrai? C'est-tu la vérité? Parce qu'il y avait certainement manque de compréhension ou manque d'information. Donc, quand on parle d'une espérance, c'est quelque chose qui est dans le futur. Hein? L'espérance, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, si tu l'as, tu n'as plus besoin d'espérer. J'espère pas que ma femme arrive si elle est déjà dans la maison. Mais je peux l'espérer tant qu'elle n'est pas arrivée dans la maison. Okay? Mais quand elle est arrivée, je n'ai plus besoin d'espérance. L'apôtre Paul, il dit, vous êtes sauvés en espérance. Donc, il dit ici, l'espérance, elle produit des œuvres aussi. Là, il va parler de cette espérance qui est ferme, qui tient et qui produit les œuvres de l'espérance d'une façon continuelle. Elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas à cause des événements, elle n'arrête pas à cause des situations. Elle continue de persévérer et de manifester. On va étudier dans l'Épître aux Thessaloniciens, c'était une de leurs petites difficultés qu'il y avait. Puis en même temps, ce n'était pas une difficulté, mais il manquait un peu d'ajustement dans leur théologie. Ils pensaient, eux autres, qu'ils ne mourraient pas avant que le Seigneur revienne. Pensez-vous que ça changeait leur façon de vivre? Le fait de savoir là, qu'ils croyaient Dieu comme faire, qu'ils ne mourraient pas avant que Jésus revienne. Il me semble que tu fais moins de projets. Il me semble que tu vas moins loin. Il me semble que tu n'anticipes pas de laisser ton héritage à tes enfants dans ce temps-là, parce que le Seigneur Jésus revient avant, puis c'est fini. Là, les enfants sont morts, puis ils n'ont pas besoin d'héritage. Ils vont mourir. Et ça change. Plus je le vois proche, l'accomplissement de mon espoir, plus je vais agir en conséquence. Paul va réajuster ça. Il va dire, ne perdez pas votre espérance. Il faut la réajuster un peu. Il va en parler, que je ne vous ai peut-être pas donné toute la formation que vous avez besoin, mais avant que le Seigneur Jésus vienne nous chercher, il y a des choses qui vont se passer. Puis il va les rassurer. C'est ça qu'il va dire, je vais vous consoler, parce qu'il y en a qui pleuraient sur le fait qu'il y en a qui étaient morts. Je vais vous consoler avec le retour du Seigneur. Parce que puis, je vous console pour une raison, c'est que vous continuez à persévérer. Je ne vais pas juste vous consoler pour que vous ne soyez pas triste. Je veux vous consoler pour que vous puissiez continuer à persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Parce qu'eux autres, ils perdaient l'espérance que le Seigneur était pour revenir. Ils ont remis ça en question. Ça veut dire que les chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas cette espérance-là que le Seigneur va revenir ou qu'il va revenir. Appelle-la pas chrétien. Appelle-la pas chrétien, ça, pas cette espérance. Mais tu sais, il y a des chrétiens qui disent qu'il va revenir cette année avec tout ce qui arrive. Oui, ça, oui. Il manque peut-être d'informations. Eux autres, c'est parce qu'ils avaient compris que le Seigneur Jésus reviendrait avant qu'il meure, avant qu'il disparaisse. Quand les chrétiens ont commencé à mourir, Paul nous a tués en erreur, ça ne se marche pas, là. Paul Paul dit non, non, non, non. On va parler de la résurrection. La résurrection, avec nous autres qui sommes encore vivants, on va tous monter ensemble. Ils ne perdront rien, ils ne sont pas rejetés du royaume à cause qu'ils meurent avant que Jésus revienne. Il va les amener à comprendre que soyez pas dans la peine, là. Quand Jésus va revenir, ils vont sortir de la terre. Puis ils vont monter avec nous autres. Donc, ils ne sont pas maudits, ils ne sont pas rejetés, et puis ils ne sont pas perdants du royaume de Dieu à cause qu'ils meurent maintenant. Donc, la fermeté de l'espérance, ça va m'amener à produire l'œuvre aussi longtemps que ce n'est pas arrivé, ce que j'espère. Donc, ma fermeté, ce que je maintiens, cette espérance-là, ça fait 2000 ans que Jésus n'est pas arrivé, puis il a dit qu'il viendrait. Mon espérance est ferme. Je continue à manifester que j'attends le Seigneur Jésus. Je continue à vivre comme s'il viendrait dans ma génération. Je continue à vivre comme je l'attends, puis j'aimerais qu'il revienne cette année. J'aimerais qu'il revienne dans pas long. J'aimerais qu'il revienne. Mais je continue à vivre avec cette anticipation-là, avec ce désir-là. Et c'est ce que lui voit. Parce qu'il remercie le Seigneur de la fermeté de leur espérance. Et là, pour nous autres, c'était des implications beaucoup plus sévères, des fois, que nous pourrions penser. Parce que si tu ne crois plus qu'il va revenir, tu ne professes plus la foi, ta persécution arrête. Et c'était là. T'arrêtes? C'est ça le sujet de ton problème. Tu penses ça? Ben, moi, ça me semble le contraire que j'aurais pensé. Si tu penses qu'ils vont revenir vite, là, tu vas en parler aux gens encore plus, mais tu ne feras plus ton ouvrage. Tu n'iras plus cultiver les champs. Ouais, ça, c'était la problématique qu'il y avait. Oui. C'était pas une problématique parce qu'ils pensaient que Jésus revenait. C'est une autre problématique qu'il y avait. C'est un autre qui pensait qu'il était déjà venu et qu'il avait manqué. Parce que ceux-là, dans le texte, là, il va leur dire, séparez-vous de ces gens-là qui vivent dans le désordre. Ce n'est pas des chrétiens qui sont zélés pour proclamer l'Évangile. Il dit, séparez-vous de ces gens-là qui vivent dans le désordre, qui ne travaillaient plus. Donc, c'est... Ça devient un prétexte à être mal à ça. C'est pas tout à fait clair à 100% pourquoi. Soit qu'ils croyaient que Jésus était revenu, ou qu'il revenait tellement vite que tu n'avais plus besoin de travailler pour vraiment vivre longtemps, puis il va revenir. Ce que je me souviens des chrétiens des années 90, ils croyaient que Jésus revenait dans l'année 90. Ils avaient vu ça dans le psaume 90. Fait que moi, ils viennent me voir, puis les chrétiens me comptent ça, puis ils sont convaincus, j'ai dit, veux-tu me dire qu'au fait que tu as inscrit tes enfants à l'école chrétienne? Ça donne absolument rien. Sois logique, si tu dis que c'est ça, si tu crois sincèrement que c'est ça, ben t'as pas besoin d'avoir tes enfants à l'école. Regarde là, j'ai où des enfants? Ça donne quoi des effets éduqués tout ce temps-là, là? Ça donne rien. Arrête de travailler, tu n'as assez pour travailler, tu n'as assez pour vivre pour l'année, là, travaille plus. Tu n'es pas si convaincu que ça, hein? Mais non, ça paraît bien d'attendre le retour du Seigneur vite. Ça paraît bien des mouvements religieux. Ça paraît bien d'attendre le Seigneur Jésus. Il va revenir. J'entends ça sur Facebook partout. Ah, maintenant, viens Seigneur Jésus. Puis il continue à vivre comme s'il ne reviendrait pas. Ça, c'est juste des paroles qu'on dit, mais qui n'ont plus vraiment de sens théologique et pratique. Donc, trois choses. Vous avez la fermeté de l'espérance. On va voir c'est quoi cette espérance-là. On va en parler dans l'épître et dans les deux épîtres. On va en parler de cette espérance qu'ils ont. Espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Pourquoi qu'il ajoute ça? L'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, bien, qu'est-ce qu'il espère du Seigneur Jésus-Christ? On va voir qu'est-ce que Paul va parler. Mais il espère quelque chose que Jésus-Christ va faire. Parce qu'il n'espère pas que Jésus-Christ va mourir sur la croix, c'est déjà fait. Il n'espère pas qu'il va venir, il est déjà venu. Mais qu'il va revenir, oui, mais pourquoi? Pourquoi il espère qu'il revienne? Quand vous dites ça, vous êtes en gang, vous êtes des croyants, vous dites, j'ai hâte que le Seigneur revienne. Arrêtez-vous, vous dites, pourquoi? Pourquoi t'as hâte? Pourquoi t'as hâte? Pourquoi t'as hâte? Pourquoi t'as hâte, là? Pose-moi la question, pourquoi t'as hâte, là? Et ça fait-tu avec les Écritures? T'as hâte, ton anticipation fait-tu avec les Écritures? Ou tu veux juste sortir de ton cancer? Ou tu veux pas sortir de tes misères? Ou tu veux pas sortir de la guerre, je sais pas quoi? Ou, par exemple, juste que dire, mais juste t'en es, je vais m'en aller au ciel. c'est quoi? On va voir que l'auteur, la façon que Paul a parlé. Parce que Paul, quand il parle du retour du Seigneur, c'est souvent en réponse à des questions sur le retour du Seigneur ou des objections qu'il va faire. Mais on ne voit pas Paul, dans les Actes des Apôtres, plutôt quand il parle. C'est pas si clair qu'il parle du retour du Seigneur dans son évangélisation. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens ici, on va voir que ça faisait partie de son évangélisation, le retour du Seigneur. Puis pourquoi? Pourquoi qu'il voulait lui parler du retour? Moi, quand mon frère m'a parlé du Seigneur la première fois, il ne m'a jamais parlé de son retour. Jamais. Quand j'étais arrivé à l'église la semaine d'ensuite, il faisait un enseignement sur l'Apocalypse, donc il devait savoir quelques versets, du moins. C'était l'original photo de prêcher sur l'Apocalypse. Quand j'étais arrivé, et j'ai compris tout de suite. J'ai rien compris, c'est ce qu'il disait. Il parlait de cheval roux, de cheval vert, de cheval noir. Puis moi, je disais, de quoi qu'ils parlent, ces gens-là, tu sais, là, de quoi qu'ils parlent. Là, je comprenais qu'a fait mon frère Denis quand il était venu me voir, il m'avait parlé des chevals, puis des chevals verts, chevals noirs, Jésus revient, sur le chevaux. T'as dit, t'en as fumé du bon, moi, lui. Il sort de là, tu sais. Mais lui, il parlait d'un, comme un jeune Coréen de 6 mois, qui entendait parler de l'Apocalypse à l'église, puis là, il. Le Seigneur revient là, tu sais, puis il était enthousiasmé un peu avec ça. Mais moi, je ne comprenais absolument rien. Ça t'a pas donné l'impression que c'était toute une magouille, tout ça? Oui, je suis arrivé à l'église les premières fois avec une certaine incrédulité, plus que de la crédulité. Mais je crois qu'il y avait de la curiosité. Il y avait aussi un éveil de Dieu, que je dirais aujourd'hui, si j'emploie un langage aujourd'hui, il y avait un éveil de Dieu en moi vers la spiritualité, vers les choses de Dieu, vers l'existence d'un Dieu, qui n'était pas là avant. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai commencé. Donc, il dit, vous avez votre espérance dans une personne. Donc, l'espérance, c'est une personne. C'est pas quelque chose. C'est pas une place, l'espérance. Tu sais, j'ai l'espérance d'aller au ciel. Ça, c'est quelque chose. C'est pas quelqu'un, là. Mais ils disent que leur espérance est en Jésus-Christ. Donc, ils espèrent que Jésus va venir faire de quoi? Il va venir accomplir de quoi? Donc, pour continuer son œuvre de salut, parce que nous autres, on pense que le salut, il l'a accompli à la croix. Oui, c'est vrai, c'est une partie du salut, parce que le salut est encore en espérance. Paul dit, vous espérez en... votre salut, vous êtes sauvés en espérance. Il y a quelque chose à venir qui n'est pas terminé. Parce que nous, on a tellement tourné le salut égocentrique. Il est venu pour moi me sauver pour que j'aille au ciel. Il est venu pour moi. C'est tout pour que j'aille au ciel. Donc, c'est tellement là qu'on a oublié le restant. Là. Mais lui, il va revenir parce que le salut n'est pas terminé. Il va falloir qu'il vienne. Parce que dans le salut, y compris la destruction des mauvais, y compris dans la régénération de la terre et du monde dans lequel on vit, qu'il va faire des nouveaux sur la terre. Ça fait partie, ça, du salut, cette phase-là. Venir chercher ses enfants, les emmener dans un nouveau ciel, une nouvelle terre, ça fait partie du salut. Mais nous, on a fermé ça dans une petite boîte, puis j'écoutais des gens prêcher l'Évangile cette semaine, sur Internet, puis c'est encore là. Jésus, si tu crois en Jésus, il va te pardonner, puis tu vas être sauvé, puis tu vas aller au ciel. C'est encore là qu'on prêche. C'est encore juste ça, tout dans ça, différentes façons, des phrases un peu plus longues, un peu plus quoi. Mais c'est toujours là. C'est toujours en train de parler aux gens qui aient le péché pardonné. J'ai écouté quelqu'un ce matin dans une église qui faisait le repas du Seigneur, puis il dit, il est venu pour ça, pour nous sauver, effacer nos péchés, pour qu'on aille au ciel avec lui. C'est vrai, je ne peux pas dire que c'est faux. Mais c'est pas tout, c'est pas plein. Il y a un manque des données là-dedans. Là. Donc, il faut que dans notre salut, comme on va voir comme Paul, il a parlé de son retour. Donc, il dit Jésus est venu pour accomplir quelque chose, mais il va revenir pour accomplir autre chose. Ah, OK. Pourquoi qu'il va revenir accomplir autre chose? Qu'est-ce qu'il va faire la deuxième fois? Il faut les expliquer un petit peu. Qu'est-ce qu'il va faire la deuxième fois? Donc, on va voir ce que Paul dit, parce que Paul va dire quelque part dans l'Épître, Quand j'étais avec vous autres, je vous l'avais dit, ça, là, j'en avais parlé. Là. Il manque des données, mais je vous en avais parlé pareil. Là, qu'il y avait ça. Donc, il dit trois choses. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Pourquoi qu'il rajoute ça? Devant Dieu notre Père. Votre espérance en Jésus devant Dieu notre Père. N'es-tu qu'on dit ça traduit autrement? C'est-tu leur espérance en Jésus devant ce que Dieu a dit, devant ce que Dieu a fait? C'est-tu qu'ils veulent parler que Jésus-Christ est devant Dieu? Il est là, dans la présence de Dieu. Et les autres ont mis leur espérance en Jésus-Christ qui est devant Dieu. Ça sera quoi le verset 4 qui vient donner la réponse? Non, je ne penserai pas. Donc, là, il parle de l'espérance. Donc, mon espérance est en Jésus, devant Dieu, notre Père. Donc, est-ce que leur espérance, ils la manifestent devant Dieu? Est-ce que Paul rend grâce à Dieu de cette fermeté d'espérance-là qu'ils ont? Donc, les autres, ils attendent que Jésus vienne faire de quoi? Et je crois que ce Jésus-là est devant Dieu, et dans la présence de Dieu, et ils ont une complicité entre Dieu, le Père, et Jésus-Christ, le Seigneur. T'as-tu quelque chose, Gisèle, que tu non, c'est parce que moi, je ne l'ai pas devant Dieu. Ah non? Non. C'est lui qui dit d'acheter ça, ce bébé-là. Il y a des versions. Hein? Il y a des versions, effectivement. Qui ne l'ont pas? OK. Donc, c'est pas grave. C'est certainement pas mauvais qu'il soit là. La vérité reste la même. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est avec le Père. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est en train de dire, Jésus est auprès de Dieu. Votre espérance est en lui qui est devant le Père, celui qui est là devant le Père. Donc, c'est dans ce sens-là que je le vois. Donc, ce Jésus-là, il n'est pas à nulle part, il n'est pas caché à quelque part dans un autre pays ou dans une autre planète. Il est devant Dieu le Père, puis il va revenir faire de quoi? Il va revenir faire de quoi? Donc, le fait qu'au verset 4, il dit, sachant bien, frère bien-aimé de Dieu, qu'il vous a choisi, je trouve que c'est là que ça vient devant Dieu le Père, ça vous ramène l'espérance, c'est comme... Sachant que vous étiez des élus, tu sais, ça vient avant. Je peux peut-être dire de faux texte qui n'est pas là. Quelqu'un qui vient, il s'entend, il s'en vient, il s'entend. Il s'en. Il s'en va. C'est un chrétien. Il va! Il est parti avec une bouteille d'eau, je pense. À jeune du Bedou. Donc, non, on va voir que ça, c'est ce qui rend. Il rend grâce à Dieu pour ça. Okay, il rend grâce à Dieu. Et c'est ces trois choses-là qu'il rend grâce. Et ces trois choses-là vont revenir. Et nous savons, frère, là, il parle. Okay, là, nous savons, frère, que vous êtes le bien-aimé de Dieu. Et donc, notamment de la Bible que vous avez, il y en a qui disent, en effet, nous savons, frère. D'autres disent, car nous savons, frère. Il y a différentes façons de le traduire. Mais il termine son action de grâce, maintenant il va rentrer dans d'autres choses. Je ne crois pas que le verset 4, ça continue l'action de grâce. Il commence un autre sujet. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Oh, quelle grande phrase! Nous savons, nous aussi ici, ça doit être Timothée, Silas et Paul, c'est les trois qu'on a vus au début, nous, c'est ça que je pense, qui parle. Mais c'est drôle qu'il dit qu'il sait quelque chose que nous autres on dit souvent dans notre sainteté spirituelle, que juste Dieu qui le sait. Juste Dieu qui le sait. Mais il semble que Paul semblait savoir des choses. Et s'il le sait, est-ce que nous on peut le savoir des gens? Puis est-ce qu'on peut le savoir pour nous? Si Paul le savait pour eux, est-ce qu'il savait pour lui, qui était un élu? Comment est-ce qu'il fait pour savoir ça? Mais tout à ça, tu dis qu'il y a un verset 4 qui parle juste de Timothée. Puis de... Non, le nous. Nous savons, là, ce serait Paul, Timothée puis Silas. OK. Les trois qui étaient en haut qui ont fait l'introduction. Bon. Okay. Parce que tout au long de l'épître, il va parler du nous. Le nous semble impliquer les trois qui sont là. Okay. Nous savons, Donc, c'est des choses qu'ils savent. Comment est-ce qu'ils ont fait pour le savoir? Nous savons, frères bien-aimés de Dieu. Donc, il s'adresse à des croyants ici, ça n'est pas aux futurs croyants. Il s'adresse à des gens qui sont là, des croyants qui sont à Thessalonique. Ici, c'est des frères qui sont bien-aimés de Dieu. Élection. Dans l'original, c'est ce que j'ai vu. Vous avez été élu, n'est pas là. C'est le mot plutôt vous élu. Le mot élu devient un nom, c'est une identification. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, vous élu, sous-entendu par Dieu, élu, il parle d'une élection. Il donne un, c'est comme on dirait ailleurs, les saints de l'Église d'Éphèse. Ici, c'est les élus. C'est un nom qu'on a donné à ces gens-là. C'est, les autres, c'est des élus. C'est des élus. C'est un nom qu'on les appelle. Il parle de quelque chose que Paul comprend bien. Paul comprend c'est quoi les élus. Donc, tu ne peux pas être un frère puis pas être un élu. Puis tu ne peux pas être un élu si tu n'es pas un frère. Ça va ensemble. C'est les frères bien-aimés de Dieu qui sont des élus. On ne peut pas les séparer, ces affaires-là. Ça va ensemble. Je suis un frère bien-aimé de Dieu, mais je ne suis pas un élu. L'autre dit, moi, je suis un élu, mais je ne suis pas aimé de Dieu. Ça n'existe pas. Donc, c'est des frères, c'est des bien-aimés de Dieu et que vous avez été élus, ou vous les élus, ou vous élus. Donc, pourquoi est-ce que Paul sait ça? Qu'est-ce qu'il va voir pour... Qu'est-ce qu'il voit ou qu'est-ce qu'il entend pour décider, lui, de dire ça? Et est-ce qu'il l'aurait dit s'il n'avait pas vu ces choses-là? La foi, l'amour, l'espérance. S'il arrête d'y voir, est-ce qu'il enlève le mot « élu » Bonne question. S'il est capable de dire « vous êtes des élus parce que je vois ça », s'il ne voit plus, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va-tu dire « ben là, je me montre maintenant qu'est-ce que ça? » Vous allez vous abandonner, vous n'êtes pas des élus, quoi. Parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Les deux sont inséparables. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette conviction-là, que ce petit groupe-là, peu importe comment est-ce qu'il est rendu, 25, 50, 100, je ne sais pas, cette église-là, il dit, je sais que vous êtes des élus, je sais. Ah, je ne savais pas, dis-moi les dons, Paul, pourquoi tu sais ça, toi? Tu dis que le fait qu'ils soient élus, c'est parce qu'il y avait la foi... La charité et l'espérance. C'est ça qui fait que. C'est pas ce qu'il y a. Oui, il y a ça là-dedans, mais c'est pas ça comme ce qu'il voit de ça. Okay. C'est ce qui fait que tu penses ça. Oui. C'est pas qu'ils disent qu'ils ont la foi, hein. C'est l'œuvre de la foi qui permet de voir ça. C'est pas qu'ils disent qu'ils aiment, c'est le travail de l'amour qui permet de dire ça. C'est pas qu'ils ont une espérance. Ah, j'espère Jésus. Non, ils disent que. Tu as des œuvres qui manifestent l'espérance que tu déclares. Donc, je peux voir ça chez toi. Donc, je peux dire, ce gars-là, il attend quelque chose, il est toujours devant la fenêtre, en fait, tu n'as pas des dehors. Tu sais que tu attends, donc. Là, tu vois quelqu'un qui a des dehors, soit que c'est une blette, en allette, là. Ou bien, donc, il attend quelqu'un. Hein? Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Qu'est-ce que tu attends? Bien, j'attends qu'il arrive, là, Saint-Hubert, là, je vais commander du poulet. Bien, tes œuvres manifestent ton espérance. C'est comme ça qu'il voit ça. Mais on va regarder la première. François, juste, il fallait que ça soit quelque chose de concret, de quelque chose de visible. Oui, ben oui. Ben oui, il prédit ça. Okay. Sans ça, parce que sans ça, Paul il va le dire ailleurs, des choses qu'il va dire. Un tel a abandonné la foi, pourquoi qu'il dit ça? Parce qu'il ne voit plus. Il ne voit plus les œuvres. On avait vu à un moment donné que c'était sur ce qu'on professait. C'est sûr. Tu ne peux pas faire autrement de prophétie. Si tu ne peux pas d'œuvre, tu ne professes pas. Mais peux-tu professer sans œuvre? Mais si, mettons, là, comme des fois on parlait, là, tu disais, cette personne-là, c'est, regarde pas sa vie, là. Regarde est-ce que ça en quoi elle croit. C'est ce que ça. Quand je vous ai dit ça, c'est ça que le texte parlait. Dans ce temps-là, c'était ça, puis là, c'est. C'est pas de temps. C'est que si le texte parlait de ça, je parlais de ce que le texte parlait. Oui, okay. Si on allait dans un autre texte qui parle d'autre chose, on parle d'autre chose. On rajoute ça, mettons. On rajoute pas. On fait juste étudier c'est quoi les effets d'avoir la foi. C'est parce que des fois, tu rencontres des gens et tu te dis, hey boy, c'est pas fort, mettons, leur conduite, mais là... Si je déclare une foi en parole, et je la déclare, et la foi que je déclare, elle est juste, mettons, elle est vraiment juste, J'ai pas besoin de te dire que tu devrais faire des œuvres, tu devrais juste les faire. Ouais, ça va. Même si j'en parle pas, tu devrais conclure que c'est ça que tu vas faire. Même si j'en parlerai pas de ce que Paul parle ici, tu devrais juste conclure, si j'ai la foi que Dieu existe, ben, ma vie va être conditionnée par ça, c'est tout. Comme un chien jappe. Ben, j'ai pas besoin de dire ton chien jappe, tu toi? Il faut dire, ben, tous les chiens jappent, là, tu sais. C'est normal, c'est naturel, là. Un croyant, mais ça fait les œuvres d'un croyant. Fait qu'il y a des textes que Paul, l'apôtre Paul va parler juste de la foi, de la déclaration, de la théologie de la foi, puis il parle pas d'œuvre. Il parle pas du tout. Puis il y a certains textes qui vont dire, sans les œuvres de la loi, il veut être certain qu'on enlève les œuvres dans certains textes. Dans d'autres textes, il va dire, si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas les œuvres, votre foi est morte. C'est pour ça que Paul va faire toujours 3 ou 4 chapitres de théologie, puis il va faire 2 ou 3 chapitres d'œuvres. Tout le temps, dans tous ces chapitres. Ici, on va le voir à partir du chapitre 4, il va venir vers les œuvres. Jusqu'au chapitre 4, il n'y a pas d'impératif. À partir du chapitre 4, il doit en avoir 30 impératifs. Aimez-vous, dites-y, faites ça. Il n'est pas en train de dire que c'est. Vous êtes sauvés par ça. Il est juste en train de dire voici le résultat de ce que j'ai déclaré. Parce que. Je parlais avec quelqu'un, pour ne pas dire m'obstiner, avec quelqu'un, que je ne peux pas voir dans ton cœur. Je peux voir les œuvres que tu fais. Mais je vais t'écouter, pourquoi? Je vais t'écouter quand tu parles. Puis je vais essayer de relier ce que tu dis avec ce que tu fais. Je vais essayer de relier les deux. Si ce que tu me dis de la foi est faux, même si je vois des œuvres, ça ne m'arrangera pas. Mais si tu me dis toutes les choses que tu crois bien comme faux, puis ça me semble être correct, mais que tu vis une vie comme tu ne le savais pas, je dis, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parce que nous, on a dissocié la foi des œuvres, parce qu'on ne voulait certainement pas que les œuvres nous sauvent. Mais on les a dissociées tellement qu'on ne veut plus les avoir. Puis souvent, quand on ne veut pas les avoir, c'est parce qu'on ne les voit pas chez nous. Les œuvres, c'était la sanctification. On l'associait à la sanctification. Oui. Et c'est vrai. C'est vrai aussi, c'est vrai. Ben oui. Et c'est pas la sanctification progressive, mais c'est la sanctification. Non. C'est ça. On va en parler dans le texte. Vous avez été appelés à la sanctification. Il ne dit pas que vous avez été. Il va en parler tout à l'heure. Vous avez été appelés à la sanctification. Donc, c'est parce que nous autres, on a comme je disais tout à l'heure, on a tellement confiné l'Évangile en quelque chose de. Super simpliste, voilà. C'est devenu incomplet. Mais on devrait apprendre à vous dire, quand j'ai cru en Jésus-Christ, qui était mort à la croix, ça m'a justifié. Mais la Bible ne parle pas juste de ma justification, elle parle de ma sanctification. Ça veut dire quoi? Ça peut être plus? Qu'est-ce que ça amène de plus? Moi, j'ai été sauvé, j'ai cru en Jésus, t'as mort sur la croix, mes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que ça vient faire la sanctification là-dedans? Est-ce que ça vient faire la régénération là-dedans? Est-ce que ça vient faire là-dedans, ces affaires-là? Puis nous, on a toujours restreint ça. Je crois en Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. Donc, c'est correct, je suis pardonné, puis je m'en vais au ciel. Mais on a oublié de dire qu'après, il y avait la sanctification. Il m'a aussi sanctifié. OK, ça veut dire quoi, ça? C'est ça. Il m'a aussi régénéré. Ça veut dire quoi, ça, là? C'est la régénération, c'est un geste aussi fort que la justification. Hier, on a tué des cochons, puis si, quand on les met en même temps, on a sorti le cœur, même si je l'avais mangé, je ne serais pas devenu un cochon. OK? Ça ne marche pas de même. Mais la régénération, elle a transformé l'être. C'est un miracle qui transforme l'être. Il ne peut pas être pareil après. Ça transforme l'être. Il va rester charnel. Oui, on a appris qu'on est encore dans la chair. Mais ce n'est pas un charnel. C'est un charnel qui a été régénéré. C'est deux choses qui. Maintenant, j'ai en dedans de moi quelque chose qui a été transformé, qui fait un combat à ma chair. Continuellement, je la déteste, elle me fatigue. Et toi, en train de me dire ci, puis toi, en train de me dire ça. Puis, moi, je veux faire ci, mais ma chair veut faire d'autres choses. Puis j'ai une lutte intérieure. C'est ce que Paul se lamente au chapitre 7 de Romains. Puis il commence au chapitre 8 en disant. Qui va me délivrer de cette situation de merde? Je me démouffe en ça. Qui va me délivrer de ce corps de mort dans lequel je vis? Là, il dit, gloire soit rendue en Dieu, en Jésus-Christ, qui va finir par me délivrer. Parce qu'il y a un combat infernal. C'est un combat qui est quasiment douloureux des fois, de combattre contre la chair constamment, constamment, constamment, constamment. Ça peut devenir fatigant, ça peut devenir tannant, ça peut devenir irritant, ça peut devenir... puis la chair, elle, sur l'autre bord, elle veut faire des choses, puis elle n'est jamais capable de les faire comme elle voudrait, parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous combat ça, combat ça, combat ça. Et c'est ce que les Thessaloniciens vont vivre. Ils vivent dans la souffrance parce qu'ils ont une espérance, et tout d'un coup, ils se mettent à douter de l'espérance, et tout d'un coup, ça ne marche plus, là. Ça ne marche plus, là. Wow, t'as un peu, là. Chauffes-tu pour rien, moi, là, non? T'as un peu, là. Si Jésus ne revient pas, là, ça fait quoi, ça, cette affaire-là? Là? Donc, c'est les choses qui les amenaient à se poser la question. Donc, il dit, on va voir les trois choses, si on a le temps, on va voir les trois choses qui font que Paul sait que ces enfants de Dieu-là, qui sont aimés de Dieu, sont des élus. La première chose que Paul va voir, je vais retourner un petit peu, je vais juste rajouter quelque chose. Quand on a parlé de la foi, de l'espérance et de la charité, on va le revoir dans le chapitre un peu plus loin. Il dit, nous ne sommes pas de la nuit, car nous avons revêtu l'armure de la foi, l'armure de l'amour et le casque de l'espérance. Il va revenir. Nous sommes des gens qui font ça, qui se sont revêtus de quelque chose pour attendre quelque chose. Parce que le but, là, nous autres, on est dans l'attente de quelque chose. On sert Dieu, mais dans l'attente de quelque chose. On attend que quelque chose arrive. Donc, la première chose qu'il va dire, que ça va peut-être vous surprendre un petit peu, c'est Paul lui-même. Son assurance que les gens sont sauvés, premièrement, c'est lui. Ah, ah, ah, on va dire, waouh! Mais tout le monde est... Comment ça, qu'est-ce qu'on va dire? Savez-vous pourquoi? On va le voir ensemble au verset 4 et 5. C'est Chantal, veux-tu le lire? 4. Sachant bien, frères bien-aimés de Dieu, qu'il vous a choisi. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit-Saint et merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur. En votre faveur. Donc, de quoi est-ce que Paul parle? Nous savons que vous êtes des élus, parce que il parle du moment qui est arrivé chez eux. Je vais vous résumer ça en québécois, peu importe ce que je vais dire après, si vous retenez ça là, ça va être correct. Je sais que l'Évangile, vous avez entendu. Parce qu'il disait qu'il était amené aussi par l'Esprit Saint. Donc, ils ont dit, par la puissance de l'Esprit. Mais Paul parle du moment qui est arrivé chez les Thessaloniciens. Je vous l'ai dit dans le passé. Quel évangile est-ce que j'ai entendu, moi? J'ai-tu entendu l'évangile qui sortait de la bouche de Jésus ou de l'apôtre Paul? Ou si j'ai entendu un évangile transformé, changé, amoindri, dilué, de toutes sortes de façons? Et là, j'ai fait profession de foi à cet évangile-là, moi-là. Là. C'est ça que j'ai fait profession de foi. Moi, mon petit frère Denis m'a parlé de ça avec ce qu'il savait. J'ai embarqué là-dedans, là, avec ce qu'il savait, là. Mais c'était-tu complet? Il m'en manquait-tu des bouts? Je vous l'ai déjà dit dans le passé, une fois, j'avais été dans une conférence, une campagne d'évangélisation. Et moi, j'étais en charge dans l'église de m'occuper de ceux qui avançaient en avant. Moi, j'étais le responsable de ça. Donc, ma job, c'était quand la campagne était finie, j'avais les noms de ces gens-là, puis moi, je devais les visiter. Donc, il avance 5 personnes en avant pendant sa campagne d'évangélisation. Moi, dans ma tête, assis en arrière de l'église, je me suis dit, s'ils n'ont jamais entendu autre chose de l'évangile, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés, dans ma tête. Ils n'ont pas entendu l'évangile au complet. Ils ne peuvent pas être sauvés. Pasteur, le lendemain matin, il a annoncé qu'il y avait 5 sauvés. Fait que moi, je m'envoie les voir dans la semaine qui suivait, les 2 autres semaines qui suivaient, puis il n'y en a pas un qui a dit, mais venez l'église, on va mettre sauvés. Si tu n'entends pas l'Évangile, tu ne peux pas être sauvé. Il faut que faut entendre l'Évangile, c'est ça qui sauve. C'est pas le gars qui prêche qui sauve, c'est l'Évangile qui sauve. Si le Saint-Esprit n'a pas l'information, les vérités, il ne peut pas sauver les gens. Ah, il peut commencer un ministère, un cheminement dans ces personnes-là. Il peut susciter un désir dans ces personnes-là, mais je ne peux pas dire qu'ils sont sauvés à cause qu'ils ont entendu. Tu vas aller en enfer, puis si tu avances en avant, tu vas aller au ciel. Oui, on va passer en avant, c'est pas trop cher. Mais ils n'ont jamais été sauvés, ces gens-là. Ils ont juste fait peur qu'il y avait un enfer, puis tu vas y aller n'importe quand. Ils ont eu peur de ça, fait qu'ils ont avancé en avant. Mais c'était pas la réalité. L'apôtre Paul, il dit, notre évangile, c'est quoi ça? Notre, c'est Timothée, Silas, puis lui. Notre évangile à nous, qu'on vous a prêché, on ne l'a pas prêché en parole seulement. Voyez-vous, dans les épîtres, dans ces deux épîtres-là, là, il rajoute toujours à la parole. On ne l'a pas fait juste avec la parole. Vous pourriez avoir entendu juste des paroles, mais quand moi je suis arrivé, c'était pas juste des paroles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est peut-être pas juste des... Vous n'avez pas entendu juste en parole quand je vous ai prêché, ou Silas, ou Timothée, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Donc, encore trois choses. Avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Oui? Moi, j'ai comme verset, comme version, mais a été accompagné de miracles, de l'effusion du Saint-Esprit et d'une pleine persuasion. Je te laisse celle-là aussi. Non. Je te laisse celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Parce que avec puissance, c'est même qu'ils m'ont dit c'est des miracles, et le Saint-Esprit est venu sur vous. Mais ça, Paul ne pourrait pas voir que le Saint-Esprit est venu, à moins qu'il ait vu des langues de feu sur la tête, là, ou parlant en langue. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut voir, parce qu'il ne peut pas voir le Saint-Esprit entrer dans le cœur d'une personne. Là. Il ne peut pas le savoir. Mais peux-tu par la réaction qui n'est pas normal chez un humain d'accepter des vérités concernant Dieu, c'est que c'est l'œuvre de l'Esprit qui est là. Oui, on pourrait... C'est... Parce que moi, ce serait comme ça que je verrais... Mais là, on peut s'imaginer, mais qu'est-ce qu'on a, nous, de ce qui s'est passé à Thessalonique? C'est chapitre 17 qu'on a eu la semaine passée. C'est ce qu'on a. On peut même imaginer un paquet d'affaires. Il y a des miracles, on ne sait pas, on ne s'est pas marqué. Une effusion du Saint-Esprit, remarquez une part. On a ça ici, là. Mais qu'est-ce qu'on sait? Puis il dit à la fin, on s'est produit ainsi devant vous, à cause de vous. C'est à cause de vous qu'on a fait ce qu'on a fait avant de chez vous. C'est ça qu'il dit. Pas ça dans vos Bibles, là. Oui. OK, il dit ça. Donc, il dit, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. La façon qu'on a agi chez vous, on l'a fait par contre vous autres. Ça nous dit quoi, ça, là, cette histoire-là? C'est comme ça que vous le comprenez, là. Il va y avoir un changement radical dans la façon que les gens vivaient. Ça, c'est après. Là, il parle de quand lui a prêché. Oui, mais c'est ça. Donc, mais là, il parle de lui quand lui a prêché, pas les effets que ça va emmener un peu plus loin, le soir ou le lendemain, ou la semaine, ou la semaine après. Il parle de la prédication que lui a emmenée. Je ne vous ai pas emmené une prédication juste en mots seulement. Qu'est-ce qui a emmené la puissance, là, on parle de ça, le Saint-Esprit, puis qu'est-ce qui a emmené... C'est qui avait une pleine persuasion? C'est qui avait cette pleine persuasion-là? C'est Paul! C'est Paul! Il dit, je vous ai prêché avec pas mal pleine persuasion, là. Mais quand Paul a prêché, il parle d'avant... La première fois qu'il est allé. Oui. Tu sais, c'est ça. Oui. Fait que c'est la première fois qu'il est allé, fait qu'il n'est pas allé juste une journée, là. Il a enseigné longtemps. Ce qu'on a dans les Écritures, 3 sabbats. Ben, c'est ça. Et pas entre les sabbats qu'il a parlé. C'est ça. Okay? Donc, c'est de ce moment-là qu'il parle. Okay. Il dit, quand j'étais là chez vous pendant les 3 semaines que je me suis débattu la gueule avec les Juifs, là, ouais. Vous avez vu la puissance de Dieu agir. Vous avez vu le Saint-Esprit agir. Vous avez vu que j'étais un gars persuasant et persuadé de ce que je disais. C'est ça que vous avez vu de moi quand je vous ai... Je n'étais pas un gars qui passionnait sans parole, des beaux discours, des belles paroles, puis c'est beau, puis c'est fun, puis... C'était pas ça. Vous avez vu un gars qui est arrivé chez vous, et moi, j'oserais dire, avec le dos encore un peu en sang, la face un peu massacrée d'avoir été battu dans la ville d'avant. Je vous ai parlé comme un gars qui croyait à ce qu'il disait, là. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit était là, et avec puissance et avec Saint-Esprit. S'il aurait fait des miracles, ça ne serait pas surprenant, parce qu'il en a déjà fait ailleurs. Mais il n'y a rien dans la Bible qui me dit qu'il en a fait. Mais quand je vais voir, moi, j'aurais donné, j'aurais donné quelque chose pour voir le débat dans la synagogue. Entre Paul et les chefs religieux qui étaient là, les rabbins, les pharisiens qui étaient là. J'aurais aimé voir ça. Et quand je parle de puissance, je peux vous donner une expérience personnelle. Vous n'aimez peut-être pas ça quand je vous donne des expériences personnelles. Quand tu parles avec quelqu'un, tu débats la foi là, avec des gens là, qui ne sont pas des croyants. Moi, je me suis dit ça tout le temps de ma vie chrétienne, puis je me disais encore, s'il y a quelqu'un qui peut me convaincre que je me trompe, je vais changer. Essayez de me convaincre que j'ai tort dans ma foi. Prenez les Écritures, puis convainquez-moi. On l'a dit au Mormon le jour. Prenez les Écritures, puis montrez-nous qu'on a tort. Mais je dis, moi, avec la vérité, c'est moi qui avais la puissance. Je vous ai montré que vous aviez tort. C'est ça qu'on appelle la puissance. Prêcher avec puissance, c'est ça qu'on parle ici, là. Prêcher avec la conviction et la puissance que ce que tu dis, c'est vrai. Et que tu débats et ça va sortir que c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a une trentaine, quarantaine qui se sont convertis par après. La puissance, c'est ça qu'on appelle la puissance des Écritures. La puissance de la parole de Dieu. Quand tu dis la vérité aux gens, là, mon ami, ça donne force, ça donne puissance en soi. Ça veut dire qu'ils vont se convertir. Mais toi, quand tu dis, je me souviens, j'avais été voir les convertis une fois. J'étais avec Gosselin. Christian. J'étais avec lui, puis on allait faire du porte-à-porte. Puis, vous savez que je peux être un gars de conviction, des fois. J'étais avec un converti, puis j'ai emmené l'Évangile avec Jean III. Puis quand j'ai fini, quand on a sorti, Christian, il dit, « T'étais tellement convaincant, j'ai envie de me convertir. Il dit, je ne serais pas chrétien, je pense que je suis devenu chrétien. C'est ce que je veux dire. Il y a une puissance dans la vérité. Ce n'est pas des opinions, là. Tu ne partages pas ton opinion. Quand j'entends les chrétiens dire, c'est ton opinion, moi j'ai mon opinion. Moi je dis, non, c'est pas ton opinion, c'est la vérité. Mais là, rendu là, François, là, l'affaire, c'est que Paul d'avance, lui, c'était un capable. Toi, là, tu rentres la personnalité, mais c'est pas la personnalité. Ben oui, mais c'est parce que. C'est pas la puissance d'un homme, c'est la puissance de la vérité. Oui, oui, oui. Ben d'accord, parce que c'est l'esprit agit avec la vérité dans la parole. Mais tu as des gens qui n'ont pas ce sens de persuasion-là. Ça n'a pas l'importance. Tu sais convaincre ton mari fait de quoi, hein, des fois? Pour être compté sur mes doigts, mais ouais. Mais on a tous un sentiment de persuasion. On est capable de persuader les gens, des fois, là. C'est dans les domaines, ça dépend des domaines. Des fois, nous, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté dans ma vie au début, puis je constate dans la vie des gens, c'est qu'on a peur. On a peur de dire, c'est ça la vérité, ça, c'est un mensonge. Ouais. Quand j'ai dit au Mormon l'autre jour, là, ce que vous dites là, c'est faux. M. Smith, c'est un faux prophète. C'est faux ce que vous dites là. Il faut le dire à un moment donné. Ça, tu peux le dire avec François, tu peux le dire avec douceur, tu peux le dire avec en mettant des gants blancs si tu veux, mais tu vas le dire à un moment donné. C'est faux ce que tu dis, c'est pas vrai ce que tu dis. La vérité, c'est ça. Là, quand on parle des Écritures, et je crois qu'il y a une puissance dans les Écritures. Et Paul, il dit, vous avez vu pendant les 3 semaines que j'ai débattu avec les pharisiens, les scribes, les rabbins, que vous avez vu la puissance de la parole de Dieu. Il va le dire un peu plus loin dans la lettre, il va dire, vous ne l'avez pas reçu seulement comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Quand vous m'avez entendu, vous avez vu que je prêchais la parole de Dieu, pas juste des idées, puis des opinions, puis moi c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Non, non, c'est pas ce que je veux, c'est pas mon opinion, c'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est pas mon opinion, là. Parce qu'une opinion, la sienne, ton opinion, la mienne, c'est deux affaires égales. Mais si je te dis ce que tu dis là, c'est faux, là. C'est pas vrai ce que tu dis là, là. Si tu continues à croire ça, t'es perdu, là. Ça, c'est... On n'ose plus le dire. Surtout dans notre société, là, c'est même quasiment digne de prison de dire aux gens ce que tu dis là, c'est faux, là, tu sais, c'est mal. C'est surtout certains sujets, il ne faut pas que tu touches. C'est parce que les autres ont leur pensée que toi, tu crois à ça, fait que donc ça, c'est vrai pour toi. Moi, ouais, c'est ça. Ils croient. Mais tu ne peux pas me dire que moi, ce que je crois, c'est faux, ouais, parce que moi, j'ai décidé de croire à autre chose. Oui. Ça, c'est la pensée qu'on va dire. Je crois que je peux croire que le monde pense de même. Mais nous, les chrétiens, on ne peut pas penser comme ça. Nous, quand on parle, on ne peut pas penser comme ça. On parle avec une pleine persuasion que ce qu'on dit, c'est vrai, puis il n'y a pas d'autre vérité que ça. Il n'y a pas d'autre vérité que ça. La personnalité qu'on a, ça va jouer dans le comment on va faire les choses. C'est pas grave, ça. La personnalité, c'est pas grave. Sa question, c'est de dire, ce que je te dis, je suis persuadé que c'est vrai. Ben, c'est ça. Maintenant, on avait dit ça à un ami, ben, comme ça, il dit, tu penses que je vais m'en aller en enfer? Je dis, oui, je crois profondément, selon ce que la Bible dit, tu vas aller en enfer. Maintenant, tu es libre de le croire ou pas. Ça, rendu là, ça t'appartient. Puis, j'ai pas à juger ça, mais que moi, je crois, c'est que oui, tu t'en vas en enfer. Mm-hmm. Mais rendu là, c'est comme... C'est ça. Je repète ça dans sa cour, rendu là. Mm-hmm. Ça y appartient à lui de le croire ou pas. Donc, c'est pour ça que je crois que le texte, il parle ici, pour que je sache si quelqu'un est un élu, il faut que je sache d'abord s'il a entendu l'Évangile qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Il a entendu, oui, puis il l'a reçu. Oui, mais s'ils ne l'ont pas entendu... C'est sûr que Paul va se poser des questions des fois sur un évangile qui n'est plus la même évangile. Mais lui, il dit là, je le sais, là, c'était de Jésus à moi, à vous. Il n'y avait pas d'intermédiaire. L'évangile que je vous ai annoncé, c'est l'évangile de Jésus que j'ai entendu directement, sans intermédiaire. Donc, je vous ai dit la vérité. Là. Donc, puis la réaction qu'ils vont avoir va les amener à dire, bon, la première étape, c'est est-ce que vous avez entendu l'Évangile? Oui, OK, ça c'est réglé. Au moins, vous pouvez être désolé si vous avez entendu l'Évangile. Si vous avez entendu l'Évangile, puis Marie au travers, puis Jean-Baptiste au travers, puis une autre affaire au travers, puis... Ah, ben là, vous n'avez pas entendu la vraie Évangile. C'est de valeur, là, mais... Vous ne pouvez pas être sauvé avec un Évangile de même. C'est nous la première question que je vous ai posée au début de 11 ans. C'est quoi le minimum que je dois entendre pour être sauvé? C'est quoi le minimum que je sache pour être sauvé? C'est-tu un petit bout de long de même? Moi, mon petit frère, il a fait son mieux avec 6 mois de conversion. Il m'en a donné le long de même, là. T'sais. Il m'a donné ce qu'il savait, il ne m'a pas donné ce qu'il ne savait pas, là. Je ne peux pas y en vouloir pour ça, là. Mais il ne m'a pas donné l'Évangile, là. Il m'a amené un Évangile truqué un peu jusqu'à certains points, mais c'est ça qu'il avait entendu. Il m'a quand même dit, l'Évangile, c'est une personne. Non, la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. Fait que tu as cherché la personne. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai dit, mais je ne pouvais pas être sauvé avec ça. Non, je le sais. Donc, tu sais que... Il a amené ce qui était capable. Voilà. Mais ce qui était capable ne me sauve pas. Non. Il faut que ce soit la vérité, puis comme ça. Il faut qu'elle soit complète, comme ça. Donc, s'il m'a amené que la parole de Dieu était vraie, j'ai cru ça qu'elle était vraie, j'ai commencé à travailler dedans. Donc, ça m'a amené à quand même te rejoindre à l'église après. Puis à découvrir par toi-même des vérités. Donc, par moi-même, par l'enseignement, les livres que j'ai lus, les éducations. Mais Dieu, l'esprit fait le reste après. Là. Mais l'esprit, il est esclave de la vérité. S'il n'y a pas de vérité, l'esprit ne peut rien faire. Non. S'il n'y a pas la vérité qui est annoncée, cet esprit est humain, handicapé, peut rien faire. Mais ce que je veux dire, c'est que comme Dieu est au contrôle de toutes choses, il va s'arranger pour que tu l'entendes, pour que tu... Oui, mais ça, c'est pas dans notre texte aujourd'hui. Là. Non, c'est vrai. Ce que Paul parle, lui, là, Carole, c'est que j'ai su que vous étiez des élus, pas à cause que je sais que Dieu est au contrôle. C'est à cause que j'ai vu. Ouais, oui. C'est ça qui est important. Il faut toujours garder. Quand vous n'avez pas de réponse, allez pas trop vite à l'élection. Non, mais c'est parce que tantôt, tu parlais par rapport à ton frère qui t'avait amené juste ça. C'est ça que je veux dire. Non, mais c'est la tristesse de ça. C'est que j'ai cru que j'ai... Pas longtemps après que j'avais fait. T'as sauvé moi, là? Non. C'est ça la tristesse là-dedans. C'est pas, que je me plains que je veux que mon frère soit puni à cause de ça. Mais ce qu'on m'a laissé croire, que j'étais sauvé à travers ça. Puis moi, j'ai cru que j'étais sauvé à travers ça. Parce que les petits bouts qu'on m'avait donnés, c'est supposément suffisant pour être sauvé. Oui, non, parce que tu as l'enseignement. Donc, si tu dis... C'est pour ça que une des raisons que Calvin disait, lui, au début de son ministère en Suisse, il disait, on va prendre au moins un an pour vous préparer. Il faisait des enseignements tous les jours pendant un an. Il appelait ça le catéchisme, il est devenu le catéchisme, pour être bien certain que tu avais bien compris, là. Que tu ne faisais pas une profession de foi à vitesse parce que tu avançais en avant et tu étais sauvé. Comme nous autres, nous faisaient faire le maître et ce disciple. Oui. Mais ça, ils faisaient faire ça disant, aux chrétiens, où tu étais sauvé. Fait que là, tu te faisais le maître et son disciple, tu t'apercevais qu'il y a un paquet de fait, tu ne comprenais rien dedans. Hein? Parce que tu n'étais pas prêt encore dans cette direction. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la première chose. On va en faire une deuxième. La première raison pourquoi ils croient qu'ils sont des élus, c'est qu'ils ont entendu l'Évangile. Ils ont entendu l'Évangile. Et c'est pas... Il y a une différence... je vous l'ai déjà compté, ça. Vous me pardonnerez là-haut, hein, on radote. J'écoute Don Carson, puis ça radote aussi, donc je me console. Il raconte toujours les mêmes histoires. Monsieur Philippe, si vous voulez m'envoyer, j'étais dans une campagne de députation, qu'on appelait ça. J'étais dans une église et on avait donné un rapport du Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec, qu'est-ce que je faisais moi dans le Québec, tout ça. Puis là, M. Philippe vient me voir, il dit, François, il dit, y a une église qui vient d'appeler, puis il voudrait que tu ailles faire une présentation ce soir-là. C'était pas prévu dans notre horaire. Alors, j'ai dit... oui, je vais y aller. Toujours disponible, on va y aller. Fait que le pasteur me dit, François, il dit, tu peux prendre mon char. Tu peux prendre mon char pour y aller. Il dit, monsieur Philippe, il dit, prends pas son char, ils ne te donneront rien. C'est une Cadillac qui avait là. Il dit, ne donne rien. Il dit, prends mon char, à moi, ils vont te donner quelque chose. Tout ce que je veux vous dire, c'est comment on voit l'apparence. C'est quand Paul, quand Paul est arrivé là, à Thessalonique, il est arrivé là comme un persécuté. Un gars qui avait payé cher pour arriver là. Donc, il ne prêchait pas comme un gars qui n'avait pas d'expérience, qui avait juste des connaissances dans sa tête, mais qui n'avait pas vécu l'Évangile. Il avait juste prêché des données. Mais quand tu vois, quand Paul est arrivé, lui, il dit, je me suis montré de même parmi vous à cause de vous. Donc, à cause de la situation difficile, à cause de l'objection, de l'opposition dans la synagogue, j'ai démontré la puissance de l'Évangile, j'ai démontré la puissance de Dieu, je me suis débattu, et à cause de vous, à cause que pour que vous sachiez la vérité, que vous soyez sauvés, c'est à cause de vous que j'ai fait ça. Parce que si je ne vous annonce pas la vérité, puis je ne vous dis pas ce qu'il y en est, vous ne pourrez jamais être sauvés. Donc c'est à cause de vous que j'ai entretenu ce débat pendant 3 semaines avec les Juifs, pour que vous sachiez la vérité. Donc c'est ça la raison qu'il a fait. Donc il n'y a rien de plus convaincant qu'un gars convaincu, comme on dit des fois. Hein? Parce que si tu n'es pas convaincu de ton affaire, tu n'es pas convaincant non plus, peu importe la personnalité que tu as, là. Et quand tu es convaincu qu'une telle affaire, c'est bon ou c'est mauvais, ben, tu deviens tannant presque. Parce que tu es tellement convaincu que tu veux convaincre tout le monde. Donc, c'est une des raisons que Paul dit qu'ils sont des élus. On en fait un autre. Mais j'ai pas compris ton deuxième. Tu pourrais pas écrire ton deuxième point. Je dirais que ça revenait comme au premier. As-tu dit ton deuxième? Non. Le premier, c'est qu'ils ont entendu l'Évangile. La bonne Ils ont entendu l'Évangile de quelqu'un qui avait une puissance. une parole puissante de Dieu, et qui lui-même était complètement persuadé que le Saint-Esprit était là. Ouais. Donc, Paul, ça ne veut pas dire qu'il a vu le Saint-Esprit à l'œuvre, mais il sait que le Saint-Esprit est là. Il va le dire un peu plus loin, Dieu m'a jugé digne de me confier l'Évangile pour que j'aille la passer. Donc, Paul a une conviction que quand il prêche l'Évangile, parce que c'est une vérité théologique, ça. Quand tu prêches l'Évangile, tu peux être sûr que cet esprit-là peut l'utiliser. Soit pour convaincre, soit pour détruire, soit pour aveugler, soit pour voir clair, le Saint-Esprit va l'utiliser. Tu ne peux pas prêcher l'Évangile et dire, maintenant, si Saint-Esprit va être là, je ne sais pas, je la donne une bonne journée. Non! Si tu prêches la vérité, le Saint-Esprit est là, il va l'utiliser. Mais vous pouvez être une odeur de vie ou une odeur de mort. Quand tu es dans un groupe de chrétiens où il y a une divergence d'opinion théologique, mais là, il y a la vérité, il y en a un dans la gang qui a la vérité, qu'est-ce qui fait que les autres chrétiens, des fois, réagissent très mal à quelqu'un qui amène une vérité? Ouais. Quand c'est l'esprit qui n'a est censé... On n'a pas de respect. On n'a pas de droit à nos choix. Okay. Parce que là, je ne peux pas. On détournerait. On détournerait. Parce que d'expliquer les vérités. Vérité, puissance de conviction, tout ça, mais ça joue pour les chrétiens aussi, c'est pour ça, OK? Là, on va juste parler de Paul qui parle d'élus. OK? Donc, au moins, il a entendu la vérité. Donc, je sais qu'il a entendu la vérité. Je suis convaincu qu'il a entendu la vérité. Puis, je ne l'ai pas dit juste en parole, mais avec puissance, parce que c'est la vérité, puis avec persuasion, puis je sais que c'est l'Esprit à travailler. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui est un outil pour le croyant, là. Quand tu vas pour prêcher l'Évangile, quand tu as une conviction profonde, que ce que tu vas dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas une hésitation dans ma tête de dire, quand je prêche l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Puis cette vérité-là, elle a une puissance en elle-même. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans la main. Hein? L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut que vous croyiez, il faut que je croie que quand je dis la vérité à quelqu'un par rapport à Jésus-Christ, que la puissance de Dieu est à l'œuvre pour convaincre la personne, pour qu'il puisse être sauvé. Ça veut dire qu'il va l'être. J'ai la conviction que ce que je dis, c'est la puissance de Dieu. C'est ce que je dis qui est la puissance. Pas moi. Ce que je dis, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que les apôtres ont dit. C'est la même puissance de la parole de Dieu que je dis. Donc, j'ai autant de puissance que Paul. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont croire. Non. C'est ça, vraiment. Non. C'est parce que nous, on parle quasiment de la puissance, puis on pense qu'on va comprendre. Non. Ici, Paul va dire qu'il a fait ça. Puis là, il va amener les deux autres points par après. Il va amener les deux autres choses qu'il a vues pour dire qu'ils sont des élus. Il n'y a pas juste une chose. Il a vu d'autres choses après. Mais là, il commence en disant, lui, je sais que vous êtes des élus parce que je vous ai prêché l'Évangile avec puissance, avec le Saint-Esprit, avec une pleine persuasion. OK. Première étape finie. Deuxième maintenant. 6. C'était à Kishizel, je pense? Oui. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, malgré la détresse qui était là-bas. Vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de l'Achaïe. On va arrêter là, on va finir avec ça. On va y revenir la semaine prochaine, parce que vous savez, si on n'a pas le temps de tout voir. La deuxième chose qui permet à Paul de dire qu'ils sont des élus, c'est que l'Église était une gang d'imitateurs. Ils ont imité deux personnes. Un imitateur, c'est quoi son imitateur? C'est quelqu'un qui fait comme un autre. Il imite. On disait donc un vrai petit singe, j'imite tout le temps. Tu sais, on disait ça quand on était jeune. Un vrai petit singe, j'imite tout le temps. Donc, ils sont devenus, ce qui m'amène à penser, à croire que vous êtes des élus, c'est que vous êtes devenus des imitateurs de moi, mes imitateurs, et du Seigneur. Donc, vous avez imité le Seigneur Jésus et moi-même. En quoi? Ils ont imité deux personnes. Donc, il dit, c'est pour ça que je crois que vous êtes des élus. Vous m'avez imité, puis vous avez imité le Seigneur Jésus. Tu penses-tu que tu n'es pas un sauvé si tu imites le Seigneur Jésus? Ben non! Si j'imite le Seigneur Jésus. Mais en quoi, de quoi il parle ici dans le contexte? Il dit, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Il dit, je vois que vous êtes des élus parce que vous avez entendu l'évangile que je vous ai donné et vous l'avez accepté au milieu des tribulations, en pleine crise, en plein débat, en pleine persécution. Vous avez adhéré à la foi, oui, à travers la persécution, mais pas de n'importe quelle façon, avec la joie du Saint-Esprit. Vous n'avez pas, ça ne vous a pas empêché de croire les persécutions. Ça ne vous a pas repoussé de voir qu'il y avait un prix à payer. Au contraire, vous avez reçu l'Évangile que je vous avais annoncé au milieu des difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Vous saviez que c'était ça et vous l'avez accepté et ils vont continuer à vivre. Ils ne sont pas en train de rire aux éclats, là, ils ne sont pas en train de tomber sur le top là, puis rire, puis c'est drôle, drôle l'Évangile. C'est pas ça. Mais Paul, il dit, moi aussi, c'est comme ça. Il va en parler un peu plus loin. Moi aussi, j'ai accepté l'Évangile au milieu des tribulations. Puis il va dire, le Seigneur Jésus, lui, quoi qu'il me met là, pourquoi il imitait? Parce que lui, il n'a pas eu ça. Hein? Ben non. Non, non, non. Pas le corps démontré. Pas Jésus, non. Ben, il dit, c'est ce qu'il dit, là. Oui, oui, il dit qu'il est imitateur, mais Jésus, il n'a pas eu, au milieu des difficultés, il n'a pas reçu, il avait des gens. Non, lui, il l'a annoncé. Oui, il l'a annoncé au milieu des difficultés. Il dit, vous êtes devenus des imitateurs de Jésus. Par Jésus, l'Évangile a emmené sur lui des tribulations, il l'a accepté avec la joie du Saint-Esprit. Okay? Parce que c'est l'Évangile qui est la cause ici. Là. Donc Jésus, en annonçant l'Évangile au peuple d'Israël, le peuple d'Israël l'a persécuté, l'a emmené à la croix finalement. Il dit, vous êtes comme moi et comme le Seigneur Jésus, vous avez accepté l'Évangile, que je peux... sachant que vous seriez persécuté, sachant que vous seriez maltraité, sachant parce que vous m'avez vu moi. Je suis arrivé là, de notre ville, étant persécuté, et le Seigneur Jésus, je vous ai raconté que le Seigneur Jésus a été persécuté par les siens. Puis il va le dire un peu plus loin, il dit, vous êtes comme les Juifs, les églises de Jérusalem, vous avez accepté l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations. Il semble que les tribulations dans notre texte ici, ça va être quasiment omniprésent dans notre texte. T'avances pas en avant si on dit que tu as un risque que tu te fasses couper deux jambes si tu avances en avant. À moins que tu sois convaincu à écœurant. Une de nos plaies, nous, je dirais plaies en guillemets, c'est qu'on n'avait pas de prix à payer quand on s'est converti. On s'est converti, il n'y avait pas de prix à payer. On gagnait quoi? On perdait rien, on gagnait le salut, puis on s'en allait au ciel. On perdait rien. Donc on n'a pas. Je vais vous conter une histoire que Don Carson a contée. Je vais finir avec ça, puis on va revenir la semaine prochaine sur la question. Don Carson, il conte une histoire, puis il dit. Lui, dans ce temps-là, il est en Angleterre, il fait ses études à son doctorat en Angleterre. Il arrive un homme là, pour travailler à l'université où ce que lui était. Je pense que c'est Oxford. Tout ce moment-là, voilà. Et il devient une copain, il commence à se parler, tout ça, puis il apprend son histoire, tout ça. Cet homme-là, il était né dans une famille chrétienne. Puis, il aimait ça aller à l'église, puis il aimait ça faire ça, puis il s'est fait baptiser dans sa famille, il était tous des croyants, son père était un prédicateur, puis ses soeurs étaient chrétiennes, puis il s'est fait baptiser, puis la vie était belle, puis il est rendu à l'âge de 20-22 ans, il rencontre une belle jeune femme chrétienne, puis il décide de la marier, tout le monde applaudit, « Yes, sir, c'est chrétien », puis il finit ses études en médecine pour aller comme missionnaire en Afrique avec les lépreux. Toute l'Église a fait ça. C'est fantastique, un vrai chrétien engagé, tout ça. Donc, il fait ça, lui. Il s'en va vivre en Afrique pendant des années avec sa femme. Ils ont deux enfants. Et il travaille là, puis il fait un ministère merveilleux. Tout le monde applaudit, tout le monde trouve ça fantastique. Il quitte le ministère en Afrique, il revient en Angleterre pour devenir un consultant pour les sociétés missionnaires, pour comment aider les missionnaires en milieu de mission. Puis en même temps, il fait ses études. Puis c'est là qu'il rencontre Don Carson. Don Carson le connaît. Puis là, ils vont à la même église. Puis là, il s'engage à l'église. Puis ça, c'est un missionnaire. Donc, ils prennent tout de suite le conseil. Ça devient un ancien. Puis tout le monde est content. Tout le monde apprécie. Tout le monde est merveilleux. C'est un vrai chrétien. Puis tu ne pouvais pas voir autre chose que ça. Sa vie était Exactement. Un exemplaire. Puis à un moment donné, on entend qu'il est parti avec la garde malade. Et c'est sa femme-là, ses deux filles, partie avec la garde malade. Là, tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, personne ne l'avait vu venir. Fait que là, il dit, Don Carson, je suis allé lui parler, le pasteur est allé lui parler, les anciens lui ont parlé. Puis tout le monde, il essaie de lui parler, pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais ça n'a rien changé, il est parti, puis il a divorcé sa femme, puis c'est ses enfants, il est parti ailleurs. Puis Don Carson, quand il disait, un an à peu près après, il s'en va avec le pasteur dans l'église, ils s'en vont ensemble à une conférence. Puis Don Carson pose la question au pasteur, il dit, hey, as-tu compris quelque chose? Tu comprends-tu qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu arriver à un homme semblable qui a fait pendant 25 ans, 20 ans, une vie de croyance aux yeux de toute l'Église, quelque chose d'exemplaire, une espèce de Paul. Puis le pasteur, il dit j'ai examiné probablement toute sa vie, là, j'ai passé ça en détail pour essayer de comprendre. Et c'était la première fois qu'il y avait quelque chose à payer pour suivre le Seigneur Jésus. Il n'avait jamais payé pour suivre Jésus. Il suivait parce qu'il aimait ça. C'était dans son église, ses parents étaient chrétiens. Puis il voulait être médecin, puis il est devenu médecin. Puis il voulait aller en Afrique, puis il est allé en Afrique. Puis il voulait être consultant dans l'université, puis il est allé consultant dans l'université. Il n'avait jamais de prix à payer. Il a le choix à faire. Est-ce que je renonce au désir de ma chair? Ou ben non, si je fais la volonté de Dieu? Puis il dit, c'est la raison pourquoi je crois qu'il a abandonné. Il n'avait jamais payé un prix pour suivre le Seigneur Jésus. Mais, dans le fond, il n'a pas abandonné, il n'a jamais pris. OK. Bon, en tout cas, c'est beau. C'est la question pour moi, c'est que le je parle, je vous compte cette histoire-là, je vous cache le sujet parce que c'est ce qu'on voit qui détermine si finalement j'en suis là. C'est pas juste ce que je dis. C'est oui, mais il a dit, à un moment donné, ce qu'il faisait, quand on disait ce qu'il croyait. Donc il dit, voyons, tu crois plus quoi? C'est quoi l'affaire? Tu choisis-tu cette femme-là au détriment de Dieu? C'est quoi que tu fais là? Donc, pour moi, c'est que il expliquait le Colin Carson dans ce qu'il enseignait. Le contexte de l'enseignement, c'est il y a un prix à payer. Si tu ne sais pas qu'il y a un prix à payer, tu vas finir par le savoir un jour. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour celui de Saint-Jésus. Tu ne peux pas payer pour ton salut. Mais pour avoir le salut, il y a un prix à payer. Mais pas pour le salut. Tu ne peux pas payer ton salut. Ça ne se paye pas le salut. Mais il faut que tu laisses tomber tout pour l'avoir. Faut que tu renonces à toi-même pour l'avoir. Donc tu abandonnes tout pour l'avoir. Tu payes. C'est pas ton abandon qui te sauve. Mais il faut que tu abandonnes tout pour l'avoir. C'est ça que les Écritures nous disent. On va le voir, on va passer la semaine prochaine, on va le voir. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il va dire au Thessalonique. Une des choses qui me convainc que vous êtes des élus, c'est que vous êtes devenus des esclaves de Dieu. Ça me convainc, vous êtes des élus. Vous avez abandonné toute votre vie pour servir le Seigneur, au détriment de votre vie, de votre persécution et des tribulations. C'est pas ça qui paye. C'est ce que nous, on appellerait, dans d'autres termes, dans les évangiles ou dans les apôtres, c'est cette repentance qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire quand on a dit qu'on se repentait. On ne savait pas ce que ça voulait dire. On regrettait les péchés qu'on avait faits avant d'être sauvés. On regrette. C'est un acte de contrition, je dirais. Mais on va voir que la conversion à Dieu, c'est une autre histoire. Se convertir à quelqu'un, c'est une autre histoire. C'est pas, je me fiche quelqu'un-là va me pardonner. Je me convertis à lui, et lui va me pardonner comme il fait. Je me convertis à lui. Donc, c'est nous, on n'a pas pensé comme ça. On n'a pas pensé. Je sais que je suis tanné avec ça, mais moi, on a pensé à nous quand on a fait les premiers pas de la vie chrétienne. On a pensé à nous. C'est qu'est-ce qu'on pouvait avoir, qu'est-ce qu'on en tirait comme bénéfice. C'était le salut de nos âmes, on allait au ciel, donc on allait chercher de quoi. Là. Mais Paul, il va dire, je ne pourrais pas savoir que vous êtes des élus si vous n'êtes pas devenus des esclaves de Dieu. Je ne pourrais pas savoir. Mais j'ai vu que vous êtes devenus des esclaves de Dieu, donc je peux savoir que vous êtes des élus. Donc, tournez avec moi dans l'Épître aux Romains. C'est moi qui vais faire le repas du Seigneur, j'étais malade. Épître aux Romains, si vous voulez bien, au chapitre 3. Dans les premiers 19 versets du chapitre 3, il y a encore une fois, une description, parce que dans les trois premiers chapitres, il décrit la race humaine. Dans les trois premiers, il décrit la race humaine. Et quand je lisais ça ce matin, parce que Gaétan m'a averti, hier matin, il m'a averti qu'il ne faisait pas de rapport de salaire. Donc, je me suis retourné vers les Écritures. J'ai dit, je vais aller à quelque chose que je connais, je ne voulais pas commencer à faire une étude. Je me disais, à un moment, quand je disais les premiers 19 versets, je me disais, moi, François, jamais je ferai un pas pour ces gens-là. Jamais je ferai un pas pour aider ces gens-là qui sont décrits là. Dans les 19 premiers versets. Jamais. Jamais. Dans ma nature, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'aller faire de quoi pour quelqu'un qui veut juste ma perte, qui veut juste ma destruction, qui est un ennemi, qui est un pervers. Qui décrit la race humaine ici, c'est épouvantable, qu'est-ce qu'il dit. Si on n'entend pas ça à télé, je vous garantis. Comment il décrit la race humaine? Puis je disais, Seigneur, donne-moi la grâce de voir les gens en face de moi comme ça. C'est pas des gentils, des gens fins devant moi. Là. C'est des gens comme ça qui sont devant moi. C'est des gens qui sont décrits par toi. C'est comme ça que toi, tu vas la race humaine. Quand je vais lui annoncer l'Évangile, après, je vais les voir comme ça. Et si je ne les vois pas de même, je ne sentirais pas le besoin de leur parler de l'Évangile, parce que c'est des bonnes personnes, ils sont gentils finalement. Ils ne sont pas gentils, les gens. Oh, gentils à la nature humaine, à nous autres, ce qu'on voit alentour. Comment hein. Nous, on décrit les gentils. Mais je me suis dit, mais Dieu, lui, n'étant pas François, gloire à Dieu, merci Seigneur, qui n'est pas comme moi, il dit, moi, je vais faire de quoi pour ces gens-là. Moi, je veux faire de quoi. Moi, je veux sauver des gens qui sont parmi ces gens-là. Moi, je vais intervenir pour ces gens-là. Et la Bible nous dit qu'il va s'incarner. Hein, il s'incarne. Il voulait sauver les gens. Il dit, je vais m'incarner. Je vais descendre sur la terre. Sachant très bien, comme on a vu là dans Thessaloniciens, sachant très bien qu'est-ce qu'il attendait sur la terre. La moquerie, l'insulte, le rejet, la mort, la souffrance. Il savait. Mais il dit, je descends pareil, j'y vais pareil. Puis au verset 21, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Écoutez bien, justice de Dieu. Il va nous parler de la justice de Dieu ici, là, pas de d'autres choses. Ce qu'il veut nous parler, c'est la justice de Dieu. Donc, mais maintenant, sans la loi, sans tout ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament, est manifesté, Dieu va manifester à quel point il est juste. À laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Donc, l'Ancien Testament approuvait ça, annonçait ça. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Dans les trois premiers chapitres, il avait nommé toutes sortes de monde. Il n'y a pas de distinction, tout le monde, c'est la même chose. La justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Pas son amour, sa justice, ici, là. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, mes frères et sœurs, la croix, là, c'est la justice, c'est pas l'amour. La croix, c'est la justice. L'amour, c'est ce qu'on va faire après la croix. La justice, la croix, ça, c'est une question de justice. Il y a un coupable, puis le coupable est puni. Ça, c'est de la justice pour les dieux. Il y a quelqu'un qui est reconnu coupable, puis hein, il faut qu'il meure, il faut qu'il soit puni, et c'est ça que Dieu fait. Donc, Dieu, il dit, je vois la race humaine pécheur, je vois la race humaine injuste, je vois la race humaine ennemie, c'est ce qu'il va dire un peu plus loin dans l'Épître aux Romains. Et moi, je vais faire quelque chose, je vais racheter des gens, et donc je vais aller sur la terre, je vais m'incarner, et je vais aller faire un sacrifice propitiatoire pour que je puisse montrer ma justice. Comment il montre ça? Eh bien, il détruit le coupable. Il fait mourir Jésus. Jésus, prenant notre place, notre péché, il dit, bien, il y a un coupable, là, c'est Jésus qui a pris la place des coupables. Donc, je vais frapper de toute ma colère sur cette personne-là. Écoute, si on avait le pouvoir, ben, on va prendre un exemple plus temporel, là. Si quelqu'un est condamné par le juge à 25 ans, quand il est 25 ans, ils sont finis, il sort, il peut se déclarer juste maintenant. Il n'est plus coupable, il a payé sa peine, qu'on dit. Okay? Donc, il est déclaré maintenant juste par la société, il peut œuvrer. Donc, la justice ici, si Jésus n'avait pas eu, par la grâce de Dieu, le pouvoir de revenir à la vie, il serait mort, puis il serait resté mort. La justice de Dieu aurait été satisfaite. Il y a un coupable, ma justice demande qu'il meure. Ce n'est pas une question d'amour ici, là. Une question de justice. Puis il dit, c'est la seule façon que je vais pouvoir te justifier après, en restant juste. Parce que si je te justifie, toi, sans avoir déversé ma justice sur Jésus, je deviens injuste moi-même. C'est toujours une question de justice ici, là. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la compassion, ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la justice. La croix m'obtient la justice, pas d'autre chose. La croix, ça ne m'obtient pas le salut, ça m'obtient la justice. Ça ne m'obtient pas le pardon, il va pardonner après, mais ça obtient la justice. Si je, moi, en m'associant à Christ, par le repas du Seigneur et par la foi, et que j'ai subi la mort, c'est ça que Paul dit, vous êtes mort avec Jésus, vous êtes maintenant juste. Dieu ne peut plus vous condamner. Vous avez déjà été puni pour vos péchés en Jésus-Christ. Donc, je ne peux plus. Le juge ne peut pas courir après moi et dire, François, tu es coupable. Non, non, non, non. J'ai déjà payé ma dette en Jésus. J'ai déjà été mort. J'ai subi la condamnation de Dieu en Jésus. Donc, je suis quelqu'un de juste maintenant. Je suis quelqu'un de juste. C'est ça que Jésus veut qu'on se rappelle ici. Maintenant, ça a rendu favorable à faire le restant de celui que j'appelle. À faire le restant de ce qu'il veut faire avec nous. Mais sans qu'on soit devenu. C'est drôle, là, parce que nous, on pense qu'il nous accorde le pardon, mais il faut qu'on soit juste pour qu'il nous accorde le pardon. Puis nous autres, on pense que la mort nous a obtenu le pardon, mais c'est pas ça, là. Pour obtenir le pardon de Dieu, il faut que je sois déclaré juste par Dieu avec. C'est bizarre, hein? C'est ça que la Bible dit, c'est ça que la théologie enseigne. Je crois pas en Jésus pour avoir le pardon. Non, je crois en Jésus pour devenir juste. Et là, écoute, juste Dieu dit, OK, je te pardonne maintenant. Nous, on a tendance à vouloir pardonner à des gens qui sont injustes et qui ne veulent pas reconnaître. Pardonne Dieu, même s'il veut rien savoir. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Dieu n'a pas pardonné à des gens coupables. Qu'est-ce qui est arrivé? S'il m'avait pardonné en tant que coupable, il serait devenu coupable. Dieu lui-même serait devenu coupable. S'il avait pardonné à quelqu'un qui n'était pas juste, il serait devenu lui-même coupable. Parce que tu ne peux pas, si tu es juste, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui est coupable. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Si vous aviez un juge ici en ville qui pardonnerait à des coupables, vous allez dire, ah, vous crierez après, vous criez des bêtises d'injuste côté. Tu as laissé passer un criminel, tu ne l'as pas puni, puis tu es un criminel. Non. Dieu dit, non, non, je t'ai pardonné, mais écoute, tu es devenu juste en Jésus. Donc le pardon, parce que Dieu aurait bien pu crier, tosser les nuages un petit peu, puis crier, je vous pardonne, la gang, je vous pardonne. Mais il n'aurait pas pu, il serait devenu injuste en disant ça. Alors, vous comprenez-vous bien? Il serait devenu injuste en vous pardonnant. Parce qu'il faut qu'il punisse le coupable. Dans sa justice, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, Quand on fait le repas du Seigneur, on se rappelle notre justification. Nous avons été justifiés par la mort de Jésus-Christ. Maintenant, je suis juste. Je peux dire, si je crois à sa mort, je suis quelqu'un qui est déclaré juste maintenant. Mais juste ne veut pas dire sauvé. Le salut a plus d'étapes que ça. Le salut a plus de procédures que ça. Vient après la sanctification, la génération, il y a toute une procédure qui va s'installer. Mais nous, on a voulu, souvent, prendre la position, merci de m'avoir pardonné mes péchés. Seigneur, merci d'avoir pardonné mes péchés. C'est pas ça que le texte me dit. Le texte me dit, merci que tu es mort pour que je devienne juste. Pour que Dieu puisse me pardonner, me justifier, tout en restant juste. Et donc, ça, c'est ça qu'on appelle la justification. Donc, en prenant le pain, on se souvient que je suis juste parce que j'ai été frappé pour mes péchés en Jésus. J'ai subi la mort pour mes péchés en Jésus. Donc, si je suis mort, je suis juste. Parce que quelqu'un qui a subi sa sentence et est mort, il est juste, il n'est plus condamnable, cet homme-là. Là. Il a subi la mort, il est mort. Tu sais, un coup qui est pendu, le gars, là, il ne peut pas le pendre une deuxième fois, là. Il est mort. Il a subi la condamnation pour son péché. Il est devenu maintenant juste. Mais c'est ça que Dieu a fait. Mais c'est lui-même qui le fait pour les gens qui sont décrits dans le chapitre 3. Des gens qui, selon nos standards à nous, on ne voudrait pas sauver deux minutes. On ne voudrait même pas avoir dans nos maisons deux minutes. Parce que c'est des façons qui sont décrites. Aux yeux de Dieu, du moins, c'est des êtres qui ne méritent pas cela. Mais lui veut le faire. Donc, rappelons-nous en prenant le repas qu'il faut que la justification que nous disons avoir, il nous a été obtenue par la mort de quelqu'un. La mort de Jésus. Donc, par alliance, moi, vous, par alliance, je deviens un mort. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous êtes mort avec Jésus. Et vous êtes ressuscité. Et vous êtes mort. Si vous êtes mort, vous êtes juste. Si vous êtes mort, vous êtes juste. Vous avez subi votre sentence déjà. Donc, je ne m'attends pas à avoir une sentence. J'ai subi ma sentence par la foi en Jésus-Christ. Donc, je vais demander à Carole et à Roger s'ils veulent passer les éléments, s'il vous plaît. Donc, le dernier soir, que le Seigneur Jésus était avec ses disciples, il a pris un morceau de pain. Le pain qui était là avant représentait l'agneau qui avait été sacrifié à la Pâque. Maintenant, il dit, ce pain va représenter moi. Moi, Jésus, qui va subir la sentence de justice de la part de Dieu. Dieu va me frapper de toute sa colère, dans son infinie colère, dans le maximum qu'il peut faire. Il va me châtier, il va me faire mourir dans tous les sens du terme, autant physiquement que spirituellement. Donc, il dit, mon corps va être brisé, parce que c'était le vôtre qui aurait dû être brisé. Mais là, c'est le mien, parce que je prends sur moi vos péchés, et là, j'en subis les conséquences. Donc, en brisant le pain, rappelez-vous que je suis mort pour vous. Mangeons ensemble. Ensuite, il a pris une coupe, et cette coupe représente le sang de l'agneau, le sang d'un être mort, d'un animal mort dans le temps, là c'est un être, c'est Jésus. Donc la mort était la conséquence Donc, il ne pouvait pas juste souffrir. Il fallait que les souffrances amènent la mort. Parce que s'il ne meurt pas, ben, il peut pas, Dieu ne peut pas me justifier. Pour qu'il puisse me justifier, il faut qu'il y ait une mort. C'était la brebis dans le temps, mais maintenant c'est l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc il dit, je vais subir la mort pour vous, rappelez-vous que je vais subir la mort, que j'ai subi la mort pour vous, afin que vous soyez déclarés justes. Buvons dans sa mémoire. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient rendre grâce au Seigneur? Merci Seigneur que c'est pas mes œuvres qui me rendent juste, parce que je serais loin de toi en tabarouette. Merci justement ce grand don de justice que tu nous as fait, cette grâce de justice que tu nous as fait. Merci Seigneur. Dieu, j'aime pas voir mon cœur comme il est. J'aime pas quand je regarde les gens autour, je vois aussi un cœur qui n'est pas ce que je voudrais. Mais ça me fait du bien de savoir que toi, tu le vois. Et que toi, tu as agi malgré ça, ce qui est incompréhensible à mes yeux, sur des petites pécadilles que je me regarde de bord. Mais toi, tu as tenu compte de ta divinité versus notre état charnel et tu nous voulais pour toi. Je te remercie de ça, Dieu. Notre Père du ciel, il y a seulement des gens justes qui peuvent entrer en ta présence. Des gens parfaitement justes. C'est pour ça que tu as chassé Adam et Ève après un péché. Sortez de ma présence, sortez d'Éden. Vous ne pouvez plus être avec moi. Je suis un Dieu juste. Dans ma justice, je devrais vous détruire, je devrais vous anéantir. Mais je vais ouvrir une porte. Je vais faire de quoi? L'Évangile, c'est ce que Dieu a fait pour des gens. C'est pas ce que les gens font. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait pour des gens. Et c'est ce qu'on vient de lire ensemble. Tu t'es incarné, tu es venu, et tu as, toi, l'homme, le seul être humain parfait, tu as accepté de prendre sur toi les péchés de tes enfants. T'as accepté de prendre sur toi toutes ces affronts, ces injures, ces blasphèmes qu'on a accomplis dans nos vies avant de te connaître, et même encore aujourd'hui. Et ta parole nous dit que même si c'était ton fils, le fils de Dieu, même si c'était lui, ta justice devait le faire mourir. Ta justice devait déverser sur lui ta colère. C'est à quel point on peut voir que cette justice-là est infinie, elle est parfaite, elle est immuable. Peu importe qui est pécheur, ta justice veut le détruire. Et Jésus, tu as accepté dans ta bonté, dans ton désir, toi aussi, de justice, dans ton désir de créer un peuple juste, tu t'es porté volontaire, si je peux dire ça même, tu as donné ta vie de ton propre gré. Tu as décidé de vouloir dire frappe, frappe sur moi, détruis-moi à la place de tes enfants, à la place de ceux que tu veux sauver. Détruis-moi. L'apôtre Paul nous dit que tous ceux qui ont foi en cette action de la part de Jésus obtiennent aussi la justice. Nous sommes maintenant déclarés justes par la mort de Jésus-Christ. Puisses-tu être béni? Puisses-tu être béni d'avoir accompli ce qu'on ne pouvait pas accomplir? Puisses-tu être loué éternellement par les anges qui voient ça, par le peuple de Dieu qui va être dans la présence, dans ta présence pour l'éternité? On va louer l'agneau immolé. Louer l'agneau immolé. Et je peux dire au monde, je peux dire autour de moi, je suis juste à cause que Jésus est mort pour prendre ma place, prendre ma mort. Et on ne vivra jamais assez longtemps pour te rendre l'honneur qui t'est dû à cause de ce geste-là que tu as accompli. Jamais on va vivre assez longtemps. Même l'éternité ne va pas être à la grandeur du geste que tu as fait. Hein? Seigneur, dans la semaine qui vient, on aimerait pouvoir être de ceux qui vivons pour toi. Oh, on connaît tous nos combats, on sait qu'on est des êtres pécheurs encore, mais aussi on est des êtres régénérés, aussi on est des êtres sanctifiés, on est des êtres aimés de toi. Fais qu'on puisse, Seigneur, démontrer dans nos paroles, dans nos actions, que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.